Bienvenue dans la fucking kermesse. Bonsoir la France, c'est la fucking kermesse numéro 8. Bonsoir. Voilà, on aurait aussi pu s'appeler La Mousse ou la Vie, le podcast 100 fois qui boit, mais 100 fois ça fait beaucoup. Alors, du coup, c'est vraiment la seule que t'as écrite celle-là. Ouais. Putain. C'est la seule vanne écrite de l'émission, j'espère que vous a beaucoup plu. Alors, autour de la table, il y a Zassa. Bonsoir. Il y a J2. Bonsoir. Il y a Steven. Salut. Et il y a un invité, un chroniqueur, un homme formidable avec qui Steven et moi-même œuvrons dans Universe.fr, Arnaud. Bonsoir. Arnaud, voilà, qui vient ce soir pour parler, suave. Oh là là. Pour parler d'alcool et tout ça, parce que... Vous les petites serrées, bonsoir. Ça commence bien. Voilà, donc on parle du coup ce soir d'alcool dans la pop culture. Et c'est pour ça que je suis là. Et c'est pour ça qu'il est là, parce que Arnaud, quel est ton métier? Chômeur. Bon, quel est ton hobby? Boire. Ah, c'est pour ça qu'il est là. Chômeur et boire, il est venu. Bah, ça va te perdre, hein. Bah, ouais. Alors, on en parlera, du coup. Est-ce que l'alcool, est-ce une fatalité quand on n'a pas de hobby? On verra, on en parlera. Et tu es aussi sommelier, du coup, voilà. Aussi, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Du coup, il y aura évidemment des chroniques, une anachronique de Steven, le retour de l'anachronique. Le retour de l'anachronique, ouais. Elle est assez belle aujourd'hui, je suis content de présenter. Oui, bah, ça. Calme-toi, par contre. Ouais, ouais. Je présente une œuvre que j'aime beaucoup. Pas trop vite, Galopin. Je suis heureux. Il y a aussi une chronique de Zassa. Elles sont rares, mais d'autant plus appréciées. Ah, ben, bah, j'espère bien, j'espère bien. Une chronique sur quoi? Sur la loi? Une chronique juridique. Mais pas trop. Pour que ce soit pas trop chiant. Voilà. Très bien. J2, aujourd'hui, tu fais? Moi, je fais une vie Patrick, ouais. Ah, voilà. Ouais. J2 s'y colle, enfin. Ouais, parce qu'il voulait dire, oh, je veux Patrick, j'ai pas envie de le faire. Oui, c'était une vie Patrick de merde que t'as fait. On a eu des retours. Elle était pas mal. Mais cette fois, Patrick, il va devoir choisir entre une raclette ou une pirade. Ah! Bah, dis-le, là, on rentre dans le sérieux, quoi. Ouais. Voilà. Bah, c'est l'entrée de la saison, en même temps. Enfin, ça a commencé, déjà. Ça a déjà commencé, ah, j'ai déjà eu ma première pirate et ma première raclette, donc. Moi, je crois que je vais faire une pirate, mais on en parlera. C'est septembre, le début. Octobre. De... Octobre. Septembre, c'est les avant-gardistes. Les avant-gardistes. C'est vraiment une date pour ça. Avec Steven, on l'a fait en septembre. C'est de septembre. Oui, mais c'est de l'avant-gardiste. Et elle se termine en juillet, la saison. Putain. Il y a que le mois d'août où on prend pas de raclette. Et donc, on fait voilà. Des barbecues. Et très bien. Donc, il y a aussi moi qui fais un quiz spécial, un quiz formidable. On n'a jamais fait un quiz aussi bien dans l'univers du quiz. Vous verrez. Et du coup, avant de parler de tout ça, de commencer fiévreusement, amoureusement cette fucking kermesse, on va parler de ce qui s'est passé la semaine dernière, donc novembre, je sais plus quelle date c'était, 14, 15 par là. Les Golden Blog Awards. La quatrième ou cinquième édition, c'est très bien préparé. Donc, ça va bien. Cinquième édition, merci. Cinquième, oui. Alors, nous y étions. Il y avait Steven, Arnaud et moi-même. Parce que Zassa et J2 ne sont pas assez cool pour y aller. Bah, surtout, c'était... Surtout que ça avait rien à voir avec la FK. Vous voilà, c'est ça. Invité, si je... Non, je pourrais faire la dire que c'était pas assez cool. Mais oui, c'est parce que pourquoi est-ce que tu y es allé? Et ben parce voilà. Que ce podcast et ce site très bien renseigné et très bien fourni, qu'est Universe.fr, a été shortlisté au GBA. Exactement. Et ça, dans la catégorie vidéoblog, c'est podcast. Du népotisme, ça, Magouille et compagnie. Eh oui. Non, mais déjà félicitations à vous, parce que, ouais. Enfin, à vous, bah, à nous, tous les deux, aussi. Bah, super. Non, mais je peux pas découvrir. Ouais. Ah, la petite rancœur. L'année prochaine, t'y seras. Okay. Bah, avec la fucking kermesse. Et avec Universe, on y sera tous ensemble. Non, mais tu me dis qui je dois pomper, parce que vous avez fait, quoi, et puis nous on y va, y a pas de souci. Mais y avait une catégorie podcast ou pas du tout? Oui, y avait une catégorie. Bah, c'est pour ça que Universe y était. Ah oui, d'accord. Je croyais que c'était pour et donc, on était au GBA, on était à la mairie de Paris. Pour manger un bien bel endroit. C'était très beau, franchement, c'était très. C'est très haut de plafond. c'est très beau, mais ce qui fait tâche, c'est les stands à l'intérieur, du coup, quoi. Parce qu'il y a des stands Peugeot et tout au milieu de la mairie de Paris. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des tas de sponsors qui viennent pour vendre un peu leur bise et qui a pas grand chose à voir après avec la. Bah rien à voir, quoi. Des gens un peu bas plafond. Il y avait Peugeot, quoi. Il y avait. On a eu des bracelets SNCF pour voyager à la vitesse de la lumière. Ouais. Dans les goodies, ils nous ont fait aussi une lampe. Moi, elle ne marche pas. Il y a écrit voyager à la vitesse de la lumière, mais la lampe ne fonctionne pas. C'est une belle métaphore de la SNCF. C'est ça. Non, mais sinon, que dire? Bon, bah déjà, Universe, hélas, a été shortlisté, mais n'a pas gagné. Ouais, hélas, non. On avait c'est pas grande. Ouais, franchement, on n'avait pas grande ambition. En face, on avait quand même l'agence Too Geek, donc qui a gagné. Ça fait quand même 3 ans qu'ils étaient shortlistés. C'est quoi les critères, en fait? En fait, il n'y a pas de critères. Tu peux t'inscrire sur le site des GBA avant la shortlist, et c'est un vote du public, donc des internautes, qui en fait sélectionne les 10 premiers dans chaque catégorie. Il y a une vingtaine de catégories, qui vote comme ça. Mais à l'intérieur des 10, c'est quoi les critères de sélection? Et bah après, il y a un jury. Après, il y a un jury de professionnels entre. Et qui sont qui d'ailleurs, ces professionnels? Bah cette année, dans le podcast, il y avait le Capitaine Web. Non. Il y avait Slimane Berhoun. Il y avait Angel Summer ou pas, parce que elle a gagné un truc de lifestyle pour son blog, je crois. Ah ouais. Mais en fait, elle a un billet dans un blog de lifestyle. Elle a donc gagné le concours du rire le plus chiant de la vraie. Non. Alors, c'est dur de reprendre après ça. Merci G2. Il y avait du coup Slimane, qui est l'auteur de J'ai jamais su dire non et qui bosse à French Nerd, ouais. Et qui est Henri Castafold dans L'Histoire du futur. Et qui écrit la suite en roman, ouais. Du Visiteur du futur. La mode. Stylé. Ah, ouais, c'est bien. Vous avez quelqu'un à lu? Ouais, j'ai envie de lire. Ouais. Alors, c'est très très bon. Parce que moi, je me suis arrêté à la saison 4 parce que j'ai vraiment pas accroché. En fait, j'ai trouvé que c'était assez merdique. Ouais. Et alors, j'étais vraiment fan hardcore des saisons d'avant. C'est ça, parce que t'étais pote avec le méchant de la saison 3, tu peux le dire. Pote, je ne sais pas. Il vient de mon hameau de merde. Voilà. Mais ouais, non, j'ai pas trouvé que c'était intéressant. Le rythme était différent. Moi, j'ai bien aimé. Pas trouvé que la saison 4 était vraiment différente. J'ai bien aimé. Moi, j'ai pas regardé. Bah, ouais, enfin, après, la différence de moyens fait peut-être aussi que par rapport au premier épisode de la première saison, c'est sûr que c'est différent. Mais sinon, ouais, ce qui fait maintenant au roman, le format est pas le même. Donc après, l'approche est pas vraiment différente parce qu'il suit vraiment l'histoire du truc, il la prolonge. Maintenant, ce mec-là est vraiment doué, quoi. Il a un vrai, vrai talent d'écriture. C'est publié chez Brajlon, du coup, je crois. Ouais. Ouais. C'est quoi? Parce que moi, je connais pas, spécialiste de publication. De quoi vous parlez, en fait? C'est la suite en roman du Visiteur du futur. Et que le Visiteur du futur est une web série. Bah, c'est comme les Visiteurs avec Jacouille. Sauf que lui, il vient sans réparer les erreurs du passé dans le présent, en fait. Voilà. Slimane, cet homme qui écrit si bien, était jury au GBA, dont on parlait au départ. Donc, les GBA, comment c'était, Arnaud? C'était cool. Je sais pas ce que t'en as pensé, Steven. Après, nous on y est allé avec Universe sans grande prétention, parce que franchement, on s'attendait pas à gagner. Même si quand il va, t'as toujours le petit espoir. Truc. Ouais, tu te dis bon, pourquoi mal entendu. tu vois ceux qui avaient l'année dernière, par exemple, ceux qu'on gagnait, c'est Comic City, c'est des mecs qu'on connaît un petit peu. Que tu connais, parce que nous on les connaît pas. C'est des mecs qui font des podcasts sur les comics. Par exemple, si tu prends juste la qualité du podcast qu'ils font, ils font ça par Skype. La qualité est pas géniale, mais après le fond est vraiment mortel. Et ils étaient pareil en face de mecs, bah notamment de la TG qui a gagné cette année. Donc tu te dis, après tout, pourquoi pas. Nous, après, ça fait là Universe, ça fait un an qu'on a commencé les podcasts. On est encore jeune. On est encore jeune, on est encore puceau pour certains. Parce que la TG, ça fait 2 ou 3 ans. La TG, ouais. Ça fait 3 ans, ouais. Ah, ouais, mais surtout qu'avant, il y avait autre chose. Il y avait la quadrature, ouais. Ou quelque chose comme ça. La quadrature du net, ouais, je crois que c'est eux. Non, c'est un podcast, c'est un autre, c'est bon, ça s'appelait. La quadrature. Et généralement, les gens qui gagnent, c'est des gens qui sont assez établis dans le. Non, pas forcément, parce que je te dis, Comic City qui a gagné l'année dernière, tu peux pas dire que c'est des mecs qui sont dans la podcastosphère parisienne. Qui est un petit peu établi, c'est des mecs parisiennes forcément. Il y avait que des parisiens. Enfin, pour la plupart. Il y a souvent, ouais c'est souvent des parisiens. Souvent les podcasts influents, ils sont malheureusement, ouais, pour certains, ouais. Mais après non, la soirée était sympa. Le champagne n'était pas foufou. Non, c'était de la merde. Les petits fours, c'était de la merde. Voilà, le champagne, on est sûr que c'était du vrai champagne. Non, je crois que du mousseux. Je crois que Charles m'a dit que c'était du mousseux. Ah, c'est sûr que c'était du mousseux, c'était dégueulasse. Est-ce que vous êtes à la mairie, mais la troisième place, il y avait des trucs comme ça ou non, tu gagnes ou tu gagnes pas. Après les votes, je pense qu'il y a un classement, mais on les connaît pas exactement. On va essayer de les avoir, mais bon, à la limite, c'est pas grave, on s'en fout. Déjà d'être shortlisté, c'était bien. Déjà moi, de mon point de vue, donc on y est allé comme ça, mais. On a surtout passé une bonne soirée entre potes et avec des gens sympathiques. Il y avait un peu le podcast. On a croisé des gens de la SC et tout. Croisé Manox et le TP, c'était cool, on a pu leur dire bonjour, donc c'est sympathique, quoi. Voilà. Par exemple. Et puis surtout, alors le champagne, enfin le mousseux, je pense, était dégueulasse, mais il y avait des despés gratuites et ça. Ça, c'était bien. C'était une bonne entrée en matière. Encore que des despés gratuites, c'est une bonne chose. Bah, c'est tout. Ça devrait jamais être payant, une despé, hein. Une DSP? Bah si, c'est bien une DSP. Il y avait un carré VIP, non? Ouais, mais ça, on y est pas encore. On y est dans l'année prochaine, je pense. T'inquiète. Mais en tant que FK. En tant que FK et que Universe, on y sera tous. Oh là là là là. On va gagner, ils vont distribuer un double prix. Ouais. Donc voilà, les GBA, c'était sympathique. C'était un peu les news de la Fucking Kermesse qui se trame en ce moment par chez nous. Il y a après il y a d'autres trucs, des projets avec des qui secrets, tout qui se font, on verra sûrement quand ça sera plus sûr. Ah, secret pas vraiment, il y a rien de secret là-dedans. Oui, il y a un crossover avec Universe qui se prépare. Voilà, et après peut-être en plus de tout ça, un autre podcast secret. Oh putain, peut-être. Peut-être. Non, je l'ai le dit. Bordel. Un teaser. Ah, et non, mais il y a plein d'autres trucs aussi, mais on en parlera en temps voulu. Voilà, en temps voulu, etc. Oui. Et donc le roule plateau en lui-même, on va peut-être parler vite fait si quelqu'un a une œuvre ou pas à présenter qui l'a marqué ces temps-ci. Bah vas-y, comment pas spécialement, mais. Eh bien moi, comme pourront en témoigner certains, ces derniers jours, j'ai beaucoup regardé Agents of S.H.I.E.L.D. Alors, oui. Sur laquelle t'as craché allègrement au début. Oui. Alors j'ai commencé comme tout le monde quand comme ça. Comme avec les filles. Non, c'est à la fin ça. Ah non, pas pour lui. Moi c'est. Pour certains, c'est plutôt que une façon de dire bonjour. Et donc. Surtout qu'est-ce que c'est que Agents of S.H.I.E.L.D. Parce que moi aussi, j'ai entendu parler, mais je sais pas ce que vous passera. Alors, et dans les cheveux, ils aiment pas ça. Bref. Ah, non. Alors, Agents of S.H.I.E.L.D. C'est ça a commencé l'année dernière, du coup sur ABC. ABC. C'est une série Marvel qui met en scène Coulson, l'agent Coulson qu'on a vu dans les films Avengers, yeah. Et une équipe de spécialistes. Mais il est vraiment dedans ou c'est juste un figurant? Il est tout, c'est un des personnages principaux. Ouais. D'accord. Et du coup, le pilote était pas mal du tout. C'est Joss Whedon qui est dans la série. Je sais pas trop ce qu'il fait. Je crois que le pilote il l'a écrit, mais qu'après il était un peu producteur. Le pilote était vraiment très très bien. Et après ça devenait un peu de la merde. Et en fait c'est de la merde jusqu'à l'épisode 8. Et ah. Après, en gros, c'est je pense. Le mieux à faire, c'est de mater le pilote, et après passer à l'épisode 8, et après ça devient super bien. Parce que les personnages se développent, l'intrigue devient moins feuilletonnante, donc pas une histoire par épisode, mais se suit, et une vraie mythologie qui s'installe. Et en plus, le truc bien, c'est que ça continue parfois, pour certains épisodes, ce qui s'est passé dans les films Avengers, les films Marvel, genre, il y a Thor 2, il y a la suite dans Agents of S.H.I.E.L.D. Ouais. Captain ouais. America 2, il y a la suite dans Agents of S.H.I.E.L.D. Bref. Du coup, ça me permet une petite expérience transmédia. Et en plus de ça, la série est vraiment bien. Elle trouve son rythme après des débuts difficiles. Moi, ce qui m'avait dérangé surtout, parce que j'avais commencé, j'ai regardé deux trois épisodes comme c'était ça. C'était nul. Le manque de budget, surtout, c'était flagrant, quoi. C'était vraiment le truc réalisé à 2 euros. Ça faisait bader, quoi. Genre, toi, tu connais pas Doctor Who. Oui, bah. Non, mais moi, je connais et j'aime pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas. Donc. Ouais, moi, ça me dérange pas parce que l'écriture est toi, bien. Toi, faut qu'il y ait du pognon pour que ça t'intéresse. Ouais, voilà, c'est toi. Ça. Bon. Donc oui, c'est ça a mis du temps à démarrer, mais comme les séries, comme toutes les séries de Joss Whedon, Buffy la saison 1 elle est nulle, Angel la saison 1 elle est nulle, là les Angel la saison 1 elle est nulle, Buffy la saison 1 elle est nulle. Je suis un spécialiste de Joss Whedon. Ouais, la saison 1, t'as essayé de me faire binge watch pendant 3 jours quand j'étais chez toi. En me disant mais tu vas voir c'est trop bien. En fait c'était de la merde pendant toute la saison. C'était la saison 2 de Angel qu'on a regardé. Non mais c'est de la merde tout court Buffy, faut arrêter. Je suis content qu'un invité. Non mais Buffy merci encore. Le soir. Buffy encore ça passe mais Angel. Non écoutez. En fait on a des connards ici qui veulent faire des FK sur Buffy. Donc bon non, faut non, les arrêter. Il faut les arrêter. Sur Joss Whedon et Buffy. Mais excuse-moi on a fait le Sentai. C'est pas la qualité de la chose qui nous amène à faire une émission. Mais je préfère franchement. C'est beaucoup plus intéressant sur le Sentai. Vous m'écœurez un peu donc on va passer à autre chose. Angel's Flashing donc c'est bien. Le début est nul donc passez voilà. Surmontez ou passez le. Ouais, après c'est bien. Ou passer la série. Après c'est vraiment. Il y a d'autres choses à regarder. Ouais, mais franchement, il y en a pas un peu marre de ces séries où faut attendre une saison ou 8 épisodes pour que ça soit bien. Ouais, enfin, j'en ai ras le bol. C'est parce qu'il y a l'étiquette Marvel que ça a passé la saison 1, sinon ça passait pas. Ouais, c'est vrai. Mais maintenant ils ont trouvé leur ton, c'est bon, c'est cool, c'est parti quoi. Donc il faut. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi ça me dérange pas. C'est une série, il faut le temps que l'équipe se mette en place quoi. Je sais pas. Moi il y a plein de séries dont on parle. On me dit ouais, tu vas voir, c'est vachement bien, mais il faut se taper 3 saisons pour que tu comprennes. Et bah tout le monde dit ça sur Doctor Who. Ah mais regarde la saison 1, c'est de la merde. Mais franchement, entre autres ouais. Ça fait partie de cette série là. Moi ça m'a monté. Je suis pas d'accord moi Doctor Who. Ah si, non, il faut en fait Doctor Who. Je suis pas sûr que ce soit la saison 1 qui faille passer, mais il faut passer du temps dans Doctor Who pour commencer à apprécier. Enfin moi c'est l'impression. Un peu comme dans certaines meufs. Non mais on va se calmer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries en général que enfin je trouve qu'il y a tellement de séries que je pense que si le pilote il passe pas et si les 2-3 premiers épisodes ils passent pas moi je zappe quoi. Ah moi ouais, comme ça, je regarde tellement de séries, enfin je regarde peut-être pas attendre 2 ou 3 heures par jour minimum en week-end, ouais. Et en week-end, il nous dit ouais, je suis dans la merde, j'ai trop de mais non, mais là on s'en bat les couilles. C'est pas le compteur des pleurs, mais voilà, quand je passe autant de temps c'est sûr que voilà, il y a tellement de séries et tout, j'ai pas envie de passer 2 heures de ma journée. C'est une partie importante à regarder une série qui est merdique quoi. Si ouais. J'étais pas. C'est vrai qu'à 2-3 heures, il faut trier vraiment parce que. Non mais passer 2 épisodes. Et donc alors, quelqu'un d'autre Et bah moi j'ai une petite info, j'ai pas grand chose à en dire, mais je sais qu'il y a des gens autour de la table qui regardent Sons of Anarchy. Yes. Oui. Ah putain, j'ai toujours pas vu. Et donc c'est la dernière saison là. Ouais, c'est la dernière saison. Et est-ce que vous saviez que ça sort en comics? Quoi? Oui, j'ai vu. Ça vient de sortir en comics. Il y a une semaine. Je savais pas du tout. Ça vient de sortir, ouais. Mais alors, ça a pas l'air génial. Et bah, il paraît que, moi, j'ai lu vite fait, mais je regarde pas la série et j'y connais pas grand chose en comics, mais il paraît que l'ambiance de la série, en tout cas, est très bien retranscrite. Ouais. Bah, donc c'est agréable. J'ai lu 10 minutes. Il y a souvent des trucs comme ça dans les suites des séries qui, enfin, les séries qui s'arrêtent ont souvent une suite en comics. Comme Buffy, Camelot, Gel, par exemple. Camelot. Voilà. Alors, Camelot, ça a commencé, je crois. Pendant la série. Ça l'arrête. En bande dessinée. Pendant la série. D'ailleurs, c'est des très bonnes bandes dessinées. Sons of Anarchy, d'ailleurs, la dernière saison est super décevante. Ah ouais. Moi, en fait, je trouvais ça vachement bien jusqu'à la moitié, et puis là, ils sont en train de s'enliser. C'est dans la narration, c'est n'importe quoi. Enfin, tu vois, genre, c'est un truc. Tu regardes beaucoup, du coup. Ah non, je m'en branle. Tu connais pas du tout. Ah d'accord. Non, j'ai regardé la saison 1, j'ai trouvé ça nul à chier, j'ai arrêté. Ah mais va t'enculer. Et. Non, mais peut-être qu'il faut passer la première saison pour. Non. Pour le coup, Sons of Anarchy, t'aimes pas la première saison. Non mais parce qu'il y a des gros barbus sur des motos, ça t'intéresse, mais c'est bon. Putain. T'aimes bien Elsa Noise, donc calme-toi. Bah oui. C'est pareil. Ça a rien à voir. C'est la même chose. Bah non, c'est des cowboys. Des barbus sur des chevaux, voilà. Ah bah voilà, bah déjà s'il y a des chevaux, moi j'aime ce qui est hippie. Omar Sharif, tu nous écoutes. T'es pas au courant toi Arnaud du Comics Sons of Anarchy, vu que tu étais jadis rédacteur à Comics Blog? Non, tu n'as pas. Si, je l'ai vu passer, mais après je sais pas qui l'a fait, je sais pas si tu peux me le dire. Alors, Steven. Qui l'a fait? Christopher Golden. Ouais, aucun inconnu. Damian Kouchero. Ok. Ouais, c'est des mecs qui ont trouvé du boulot, c'est bien pour eux. Non, mais ça fait plaisir, écoute. C'est le dessinateur. Mais le dessin m'a pas vendu du rêve, hein. Moi, je m'y connais pas super bien en comics, mais j'ai regardé, j'ai feuilleté. Je trouve que Jax a vraiment une tête de merde. Bah, en fait, là, je vois quelques plans, enfin, quelques cases. Ça a l'air très, très classique, quoi. Ouais. Ouais, je sais pas. Bah, et puis. Y a pas une identité visuelle. C'est chez Boom, c'est ça? L'éditeur américain? Je crois. Et après c'est le label 619, ouais, donc c'est en Kama après. De toute façon, il y a un problème qui est intrinsèque au format, c'est que Sons of Anarchy, c'est pour moi en tout cas une bonne partie ce qui fait que j'apprécie la série, c'est la bande son, parce qu'elle est vraiment au poil. Ouais, elle est toujours en BD hyper... la bande son, voilà, pas très... elle est toujours hyper calée sur l'action et porteuse. Bon, c'est pour ça que la dernière saison est un peu comme la poursuite en jazz du coup la saison. Non mais voilà, justement, c'est pour ça que cette dernière saison elle chie du cul, c'est parce que ils imaginent des motos et des fusils sur du jazz. Excellent. C'est un peu hors demande. Et pourquoi pas. C'est ça. Et toi, Ardo, est-ce que t'as une petite recommandation vite fait ou pas du tout? Bah, tant qu'on parle de série, moi, il y a Peaky Blinders que j'ai, que j'ai découvert il y a pas longtemps. Ouais. Et là, voilà, ça fait partie de ces séries où t'as pas besoin d'attendre, 3 ou 4 épisodes pour que ça soit vraiment bien. Dès le pilote, c'est absolument mortel. Ouais. Une esthétique qui est géniale. C'est Cillian Murphy. Cillian Murphy est dingue. Mais c'est un acteur qui est vraiment très sous-évalué, je trouve. Qu'est-ce que c'est la série? Parce que voilà. On sait pas. Alors, Peaky Blinders, ça se passe à Birmingham, après la Seconde Guerre. Non, la première. La première, après la première. Dans les années 30. C'est une famille, c'est des frères, qui ont une boîte de bookmakers, en fait. Et qui des vraiment... faiseurs de livres évidemment, les bookmakers. Tout à fait. et qui font la loi vraiment sur toute la ville. Tout le monde les respecte, mais comme si c'était des dieux, quoi. C'est-à-dire que tout le monde s'écarte sur leur passage, notamment sur le passage de Cillian Murphy, qui est pas le frère aîné, mais qui est vraiment la tête pensante du truc. Ils s'appellent les Peaky Blinders parce que dans leur gapette, ils mettent des. Qu'est-ce qu'une gapette? Une gapette, c'est une casquette. Mais d'accord, mais dans les années 80. Vois, ah non, à l'anglaise justement. Non, c'est plus à la française une gapette. Ah bon, la française, je crois que c'était le béret basque. Mais bon. On fera une FK sur les casquettes. Voilà. On fera ça. Les casquettes en tout genre. Donc ces mecs-là ont des lames de rasoir dans leurs casquettes et en fait, ils cherchent à contrôler tout le business des bookmakers en avant que ça devienne légal. Donc eux veulent vraiment contrôler ça et tout est fait sur, il n'y a pas réellement de violence dans la série, c'est juste sur les mots et sur les moyens de pression qu'utilisent les frères Coup de pression. Enfin, il y a de la violence, mais elle est parsemée, elle est distillée subtilement. Ouais, ouais, voilà. Moi, Mathieu, je retrouve vraiment les sensations des premières saisons de Boardwalk Empire. Je sais pas si t'as vu. Moi, c'est vraiment le même côté esthétique, le même côté voilà violence. Au même niveau esthétique. Peut-être pas autant parce que Boardwalk, pour le coup, c'est vraiment chez eux. C'est une grosse série, quoi. Ouais. Après, c'est une série anglaise, c'est fait par la BBC. Ouais. C'est pas les mêmes moyens. Ils ont mis, c'est pas les mêmes moyens, mais ils ont mis quand même du budget dans les décors et dans les reconstitutions. Clairement. Il y a un nombre incroyable de figurants qui travaillent dans les mines et tout à côté. Enfin, c'est assez fou. Et la bande son est juste extraordinaire. Ouais. C'est pas une bande son originale, c'est quasiment que du White Stripes et du Nick Cave. Mais ça marche tellement bien avec le truc, l'ambiance est géniale, il y a deux saisons pour le moment. Enfin moi c'est mon coup de cœur de l'année quoi, et j'en ai vu un paquet. Je le mets au-dessus d'un Fargo ou d'un Trou Détective que j'ai pas attendu. J'ai pas encore vu Fargo, mais par contre Trou Détective. Mais vraiment. Comment ça s'appelle encore? Peaky Blinders. Okay. Ouais. Bah je vais aller voir. Donc, accrochez-vous à vos gapettes. Cillian Murphy, pour moi, dans ma tête, c'était des films de merde, tu vois, c'était Red Eye, c'était le mec qui fait l'épouvantail dans Batman, le premier de Noël. Il y a Tom Hardy qui arrive dans la saison 2, sur laquelle je suis en train de commencer, qui joue Bane dans Dark Knight Rises. Il a fait des trucs beaucoup mieux que ça. Qui a fait des trucs, The Fighter, notamment, enfin, voilà, qui est un film de dingue. Mais vraiment, je vous recommande. Aussi. Et ben, voilà, bah, en fait, c'est ça, c'est Peaky Blinders, c'est des hommes sans loi en série. C'est pas faux. C'est un peu dans le même style, c'est vraiment les mecs, t'as pas envie de les faire chier du tout. Alors après, il y a toute une histoire. C'est un peu la fucking kermesse. Il y a, ouais, un peu. Quoique, il y a des gens un petit peu plus influençables dans la fucking kermesse, mais enfin, ça, on en reparlera plus tard. Okay. Et bien, ça a l'air sympathique. On a fait, voilà, un roule plateau à l'ancienne, qui s'est bien déroulé. Vous pourrez réagir par fax, quand l'on dit 15 fucking kermesse. Parfois que c'est un numéro, c'est pas un... Ça c'est Minitel, Arnaud. Ah, excuse-moi. Tu confonds tout. C'est vrai. Il y a aussi le Telex. Hein. Je crois qu'il y a que moi qui avais le Telex. C'est quoi le Telex? Vous avez pas un Bebop? Je vois même pas ce que c'est que le Telex. C'était une sorte de Minitel mais sur la télé. Ça marche comment? Bah t'as oublié. Tu confonds pas avec le Télétexte? C'est différent, c'est encore. Ah ouais, c'est quoi le Télétexte alors? Mais le Télétexte c'était ça justement. Bah oui, c'était une espèce de Minitel sur la télé où tu pouvais voir les programmes de la chaîne. C'était à la fois le Minitel et l'internet. C'est quoi, c'est une extension de ta télé? Tu le branches sur ta télé. Tu avais une touche Télétexte. T'avais une touche Télétexte et après tu tapais 888 et t'avais le programme du Télétexte. Ouais, c'est vrai. Et t'avais notamment les programmes de TF1 avec le Big Deal marqué sur ton Télétexte et tu pouvais le programmer et tu pouvais regarder exactement leur exact. C'était l'ancêtre de la télé connectée. Ça existait quand? Année 2000, c'était il y a 15 ans, facilement. Oh, putain, okay. C'était incroyable. Je suis passé à côté de ça. Voilà, donc on retient les GBA, Agents of Shield, le Télétexte et Peaky Blinders. Tout ce qu'il faut pour vous faire une bonne vie culturelle ce mois-ci, grâce à la fucking kermesse. Et donc on va maintenant passer au thème de l'émission, l'alcool dans la pop culture. Et ailleurs, et partout, l'alcool dans nos cœurs, l'alcool dans nos foies, avec... une première partie du coup qui va essayer. Ton verre d'ailleurs d'alcool. Pas assez, j'en ai jamais assez. Merci Papillon Clébord, hein, évidemment. Là, je dirais plus de merde. Je te rajoute un poil dans ton Ricard ou pas? Ah bah non, on mettrait la petite sœur. Alors du coup, le premier axe de discussion, c'est l'alcool et son double visage, n'est-ce pas? Un peu intro la Eindhoven. L'alcool, alors, à la fois. Faut que tu prennes une voix plus Docteur Jekyll. L'alcool. À la fois madrigal des PMU. Voilà, là on touche. Et salut, madrigal, je sais pas ce que ça veut dire. Madrigal, c'est une forme poétique. Eh bien, l'alcool, voilà. Madrigal des PMU. C'est un style de musique surtout, le madrigal. Ouais, mais le madrigal à la base c'est une forme poétique. Oui, alors bon, l'alcool dans les PMU et l'alcool dans les soirées branchées, ça clash sur le huppé. L'alcool à la fois le nez rouge de Coluche et le petit doigt qu'on lève quand on boit sa petite coupe de champagne chère. Voilà, l'alcool, les poivrons et les Richards. Voilà, alors on peut en parler du coup, ce double visage. Il y a des figures assez emblématiques des deux côtés. Peut-être on peut commencer par faire un petit portrait robot de ce que ça nous évoque, l'alcool du terroir, l'alcool des poivrons, l'alcool des PMU. Populaire. L'alcool populaire. Alors, qui veut commencer? Moi, je t'avoue que cette figure de l'alcool PMU, ça me parle beaucoup. Ayant grandi dans un petit hameau de merde. Peux-tu donner le nom de ton hameau, Ayant grandi avec des chevaux. Anonyme. Neuville-au-Bois. Oh, il l'a dit! Oh, il balance! Neuville-au-Bois. 5000 habitants, bon, c'est peu, c'est pas un hameau. 5000 habitants, c'est énorme. Ouais, c'est une mégalopole, mais c'est Neuville-au-Bois, ville-lumière. Et pourtant, on est dans une ville où il y a 350 habitants, c'est mais je te cadre Neuville-au-Bois. C'est-à-dire que nous sommes au fin fond de la Beauce, entourés par Chieurs-au-Bois. d'un côté et Crotte de l'autre côté. Donc de l'Île-de-Bois se constitue comme l'anus de la région. Chien et Crotte. Donc voilà, nous sommes dans cette configuration. Est-ce qu'on peut dire que c'est le passage obligé de la Beauce? J'irai pas jusque là. Mais il y a une demi-heure en voiture, il y a Restevenne à Pithiviers. Alors voilà, non, mais Pithiviers pour le coup c'est pas voilà. C'est pas quoi? Bah ça envoie du rêve par rapport à 2000 au bois. Ouais, moi je suis pas de Pithiviers, je suis un Pithiviers comme dans la 7ème compagnie. On est 800. Ouais, comme dans la 7ème. Oula. Putain, on est tous des putains de paysans en fait. Alors moi non, dans moi à Chartres, je peux dire qu'on avait même des bus alors. Bon, on les avait, ils roulaient pas, mais on les avait. Et bah tout ça pour dire qu'on a tous connu le PMU quoi. Voilà, exactement. Pour moi c'était vraiment c'est l'attraction de village quoi. On est dans les années 70 quoi. Genre t'as une place à Deville-aux-Bois et puis t'as deux PMU. Voilà. Et voilà, donc c'est un peu la guerre entre les PMU, là c'est un peu pour le contrôle de la ville. Qui a le meilleur flipper? Parce qu'il y a du client, hein, on a tous des vies de merde à Deville-aux-Bois, donc on veut tous les oublier au comptoir du PMU. Et du coup voilà, tu vois. Tous les jours, à n'importe quelle heure, il y a 15 personnes sur la terrasse. Et c'est toujours les mêmes personnes. Et voilà, voilà. Bah avec Steven, quand on était à Orléans en prépa, il y avait un bar fameux qu'on aimait beaucoup fréquenter. Le Diabolomante. Le Diabolomante. Il y avait toujours les mêmes personnes. C'était incroyable. Tu sais, le patron, il avait pissé, bah il demandait à Gérard, qui était au comptoir, de tenir la boutique, quoi. C'était beau. C'était magnifique. Et du coup, c'est ça, le club populaire. Et est-ce qu'il y a des figures dans la culture qui représentent bien cet esprit, Bah, ça, je crois, hein. Je crois qu'on l'a trouvé, hein. Dis pas ça, mon père va me tuer. Du coup, il y a Coluche, en fait, ce jeu. Parce qu'en plus, là-bas, le meurtre est autorisé, non, c'est ça? Bah, tant que tu donnes une chèvre ou un bouton derrière, ça passe. Il faut payer le prix du sang, tu vois. Donc oui, il y a le premier auquel on pense, c'est Coluche, j'imagine, avec son nez rouge qui imite l'accent bourré, etc. Et l'accent bourré. L'accent bourré. Donc c'est la figure populaire plus emblématique de l'alcool populaire, quoi. C'est lui le premier auquel on pense. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui vous venez en tête ou pas du tout? Non, mais déjà, pourquoi on parle de nez rouge pour l'alcool? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Parce que le nez rouge, c'est d'abord les clowns, avant tout. Bah, dis-nous. Où est la poule et l'œuf? Est-ce que les clowns n'ont pas chopé un nez rouge? Bah, c'est parce ça le truc. En fait, la figure du nez rouge du clown, il y a deux grandes idées qui s'opposent. La première, c'est un mec d'un cirque qui était complètement bourré, justement, donc qui avait le nez rouge, qui a complètement foiré un spectacle. Alors, j'ai plus les dates en tête, mais enfin. C'est des choses qu'on se raconte. Non, ouais, c'était dans les années bisextiles. C'est des anecdotes de forains, quoi. C'est voilà. Des anecdotes de forains. Bon, voilà. Marcel le Campion, tu nous écoutes. toi-même, tu sais. Et en fait, il y a ça, et il y a aussi une autre idée qui s'oppose, qui dit que le premier nez rouge, les clowns nez rouge, en fait, c'était en Allemagne. C'était un régisseur d'un cirque qui était tellement maladroit qu'un jour il est arrivé pour changer entre deux numéros sur la piste du cirque. Il était tellement maladroit qu'il s'est cassé la gueule sur le sol et qu'il avait le pif en sang. D'accord. Ça fait c'est vraiment un sacré con, ce régisseur. Tout le monde sort ça, quoi. Bah, j'ai fait des recherches. Putain, le mec est chaud. Il a plus travaillé que n'importe qui dans la FK pour toute la FK réunie. C'est incroyable. C'est dire. Et en fait, c'est venu de là. Comme il a fait rire tout le monde, ils se sont dit, tiens, ça fait partie du spectacle. Le mec se casse la gueule exprès et exprès en sang. Donc déjà les Allemands sont malsains, ça on le sait tous. Dédicace à toi tonton. À toi tonton. Tonton. Un bon mot. Et en fait la figure du nez rouge, elle vient d'abord du clown et ça vient justement de la figure du nez rouge dans le poivreau. Ça vient d'abord de ça, c'est que le poivreau fait rire. Ouais, par son côté maladroit en fait. Par son côté. Ouais, puis par son. Justement par son côté nez rouge, en disant que c'est quelqu'un qui a plus réellement de conscience. Mm. Et ça vient un peu de ça. Donc, ouais, ça crée un cadre en fait. À partir du moment où tu vois le nez rouge, tu sais que tout va être interprété voilà, sous le signe de l'humour en fait. C'est le premier symbole que tu as du coup des clowns. Mais c'était avant ou après qu'ils tuent des gens, je sais pas. Les clowns ou les Allemands? Ah, le clown allemand. Parce que la guerre des clowns, moi, je peux te dire, c'était quand même dur. Dédicace au clown Star Wars le plus pourri, mais bon. C'est une grande série allemande. Oh, la coupe, la fin. Wow. Et y a eu trop de blagues d'un seul coup. Un big bang. Réécoutez tout en ralenti chez vous. Les gars, prenez un ticket pour les blagues. Non, c'est pas, du coup, c'est une très bonne première impression. Et toi, JD, t'as rien à dire. Tout à l'heure, tu nous écoutes. Ouais, non, mais si, je trouve ça intéressant, en fait. Ah, bah, c'est bien. On a bien fait de demander l'avis d'un auditeur. Oh, le bâtard. Bon bah après ça, écoute. Non non, je trouve ça cool non, j'ai rien à dire. OK. Du coup, c'est et aussi on peut penser tu voulais dire oui. Non mais déjà l'alcool populaire, je pense que on peut déjà faire une distinction avec il y a des types d'alcool qui sont plus populaires que d'autres. Le jaja. Le Ricard par exemple. Le Ricard. Qu'est-ce que t'appelles le jaja? Le jaja, c'est un terme général. Non, c'est un terme général pour l'alcool, le jaja, non? Pour le vin. Pour le rouge qui tache, ouais. Jaja. D'accord. Le cubi, quoi. Et non, mais le Ricard, ouais, clairement. Moi, qui viens du sud. Je viens du sud. J'allais dire. Et d'ici ou d'ailleurs, voilà. Enfin, c'est même plus de l'eau, quoi. C'est-à-dire que les mecs boivent ça comme si c'était. Enfin, c'est normal, quoi, pour eux. Ça fait partie de. C'est le liquide vital, quoi. Et après, ça a été souvent moqué. Tu prends la figure du campeur, par exemple. Ouais. C'est des gens, enfin c'est une catégorie de personnes et de consommateurs d'alcool qui sont caricaturés justement avec. Enfin, pas très caricatif, hein, généralement. Ouais. Okay. Alors, campeurs, les campeurs. Merci de m'avoir coupé. La tente. Franck Dubosc, tout ça. Pastis partant bleu. Pastis délicieux. Non, mais voilà, tu vois, quand tu cites cette phrase et quand Arnaud cite les campeurs, tu vois, c'est un côté populaire de cet alcool qui peut pas passer dans une certaine noblesse. Et je pense aussi aux sketchs des inconnus sur les chasseurs, du coup, qui sont complètement déchirés, etc. Voilà, c'est tout ça. En fait, l'alcool populaire, c'est un peu l'alcool, c'est la déchire, en fait. C'est le fait de tituber, parce que en fait, si on veut comparer au noble, le noble c'est celui qui tient. D'une certaine manière, il est défoncé, mais il a la classe. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le noble, c'est celui qui va sélectionner son alcool et qui va vraiment le boire pour faire plaisir à ses hôtes plus que faire plaisir. Avec une certaine classe. Alors que le Ricard, même si tu prends un Ricard, t'es pas bourré. Mais il y a tout de suite un aspect beauf, en fait. Mmh. Ouais, ça tient à l'alcool. Mais tu peux pas boire ton Ricard comme tu bois, genre, c'est du Ricard tout en comme on a, ici, on a du Chivas. Tu peux pas boire du Ricard. Ouais. Non, mais c'est, tu peux boire ton Ricard comme tu boirais un verre de Chivas, par exemple. Voilà. Tu peux pas dire, oui, il a de la cuisse, mais ça, Ricard. C'est je trouve que ces représentations, enfin, arrêtez-moi si je me trompe, mais elles sont vraiment liées à des zones géographiques, parce que je trouve que la figure populaire est plus prégnante, peut-être, en France. Et la figure classe a peut-être été plus véhiculée pour moi, en tout cas dans la représentation que je m'en fais, par la culture anglo-saxonne. Mais regarde, t'as été en Angleterre, à Dublin comme moi. À Dublin, à 17h, t'as tous les poivrons qui vont boire leur pain. Je parle pas de réalité sociologique. Ouais, mais ça c'est parce que t'as vu James Bond, quoi. Je parle pas de James Bond. Non. Tu penses à toutes les sitcoms où tu vois les bourgeois avec leurs énormes verres de vin qui les boivent avec le petit doigt levé en l'air. Et même si eux, ils appartiennent pas à une certaine catégorie sociale, on va dire, dans la façon dont c'est représenté dans les séries, je pense par exemple, Cougar Town, par exemple, je sais pas ou si Dallas, c'est la première série où il y a des mecs qui s'envoient la gueule. C'est encore différent, c'est l'imagerie qu'on se donne de l'alcool aux États-Unis, qui est totalement différente que celle qu'on peut donner nous en France. Mais voilà, moi, c'était plus populaire ici que là-bas, non? Ouais, c'est énergie douce tellement vrai, où t'as le nord et le sud, où forcément les gens picolent. Ça fait partie de ces images où c'est obligatoire, où quand tu te représentes quelqu'un du nord ou quelqu'un du sud, c'est des gens qui picolent et qui foutent rien. Et même ouais, mais c'est aussi lié à l'image du vin en particulier, parce que le vin c'est beaucoup plus démocratisé en France que dans le monde anglo-saxon, et le vin dans le monde anglo-saxon, c'est pas une figure populaire. C'est une culture. On parle toujours de représentation. Hein. Ouais, non, mais okay. Ça fait partie de l'Amérique de ces choses de consommation de l'Américain moyen. Qui rentre chez lui, et en plus c'est aux États-Unis, c'est souvent les femmes en l'occurrence pour le vin qui boivent parce que les hommes boivent de la bière et les femmes boivent du vin. C'est vrai. Voilà, ça fait partie de leur image. J'ai la même image. Et alors que nous en France, on n'a pas cette différenciation entre hommes et femmes, même si en l'occurrence c'est plus souvent une figure masculine qu'on a de ces gens-là. Mais aux États-Unis, c'est voilà, je rentre du boulot, je me sers mon grand verre de Sauvignon ou de Chardonnay, enfin de vin blanc. Chardonnay, c'est très populaire effectivement dans les. Chardonnay, c'est que les. Desperate Housewives. Tu regardes Friends par exemple, tu regardes les trois filles dans Friends boivent du vin, les trois mecs boivent de la bière. La bière versus le vin, c'est effectivement le côté quand tu fais un barbecue. En fait, c'est une différence de à quel moment tu le bois. Pour manger, tu bois du vin, et plutôt dans un milieu classe. Non, je parle aux États-Unis. En général, dans la représentation, c'est plus pour le repas, il y a plutôt du vin, ou pour un truc un peu classe. Mais après, le barbecue ou les sorties entre potes, c'est ce que tu disais. C'est plutôt, c'est plutôt de la bière. Non, ça, c'est, ça, je suis d'accord, moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est-à-dire, oui, voilà, bah, ça, que... ça rejoint ce que je disais. C'est-à-dire, ouais, ouais. C'est, il y a un côté formel du vin, qui est consommé dans certaines occasions et par certaines personnes. Regarde, Arnaud te donne l'exemple de Friends où il y a les meufs qui boivent du vin et les mecs de la bière. Oui, mais les meufs sont dans la même. Non, c'est beaucoup plus genre. Les meufs, elles seront pas bourrées comme les mecs. Non, mais c'est, bah, si, dans les séries, justement, on peut en reparler, mais c'est beaucoup plus genré, en fait. Le type d'alcool. Et genré aux États-Unis. Ouais, mais parce que c'est lié à une image du raffinement et que du coup c'est associé à la féminité. Mais après la consommation voilà. est pas la même, c'est-à-dire que quand tu prends les représentations de l'alcool aux États-Unis et les représentations de l'alcool en France, là-bas c'est juste un produit de consommation basique. C'est-à-dire que ça les rend pas bourrés là-bas à l'alcool. Tu peux regarder dans toutes les séries, ils sont pas bourrés après avoir des tonnes de bière. Rarement. C'est quand même super rare. Tu prends un épisode comme How I Met Your Mother, tous les épisodes ils boivent de la bière. Ils sont quasiment jamais bourrés avec ça. C'est juste un bien de consommation. C'est parce que la bière aux États-Unis, c'est de la pisse, c'est à 2%. D'accord. Donc forcément, tu vas pas être bourré avec ça. Mais tu prends ici, tu prends dans une série basique, quelqu'un qui boit un verre de vin ou une bière, tout de suite après, il va être bourré. Il va être drôle, il va être marrant. Et c'est encore autre chose. L'alcool aux États-Unis et comme on veut en parler là, de la bourgeoisie et du populisme. C'est encore différent, c'est une autre image vraiment de l'alcool qu'il y a dans la pop culture. Quand tu prends cette image occidentale qu'on a nous ici en Europe, ouais, parce que occidental c'est pas ta confusion. Et en France en l'occurrence, il y a pas de juste mesure. C'est soit tu bois de l'alcool, t'es un poivreau. Soit t'en bois pas, tu bois de l'eau et t'es quelqu'un de bien. Non, c'est pas vrai, je suis désolé, il y a un... Rappelons-nous quand même de sans alcool, la fête est plus folle, grâce aux boissons sans alcool, je sais plus comment ça s'appelle, Mister Cocktail. Il y a un alcoolisme mondain, il y a un alcoolisme mondain en France aussi, c'est pas... Oui, mais c'est pas juste réservé aux États-Unis. On parle pas de réalisme. Mais même dans la représentation, non, mais même dans la représentation, cite alors. Non, mais je sais pas, même par exemple. En vrai, tu fais des trucs de ton cul, mais on m'a dit que... Non, attends, laisse-le finir. Dans les écrivains, en général, ce genre de truc, par exemple. Dans les écrivains. Non, mais... C'est quand même admis généralement, tu vois, dans la haute société, que tu bois du vin. Oui, mais dans la représentation sociale. Dans les représentations, dans la pop culture. Non, mais je prends un ticket pour après. c'est pas seulement le poivreau au PMU du coin, l'alcool en France. Même en France. Non, c'est sûr. Non, mais on a jamais dit ça. Parce que je disais. Non, mais c'est pour aller dans ton sens. Vas-y. Je trouve que dans la représentation culture européenne, on va dire. L'alcool, il est communément intégré. Dans toutes les situations, on peut boire de l'alcool sans qu'il y ait des conséquences dans le média qu'on soit en train de regarder. Alors que par rapport à ce que tu disais, en fait, ça va dans vos deux sens. J'ai un point de vue un peu entre les deux. Oh, synthétique. Alors que, voilà. À voler à vapeur, bah tiens. alors que un peu suisse puisque de la Beauce, toi. Alors que aux États-Unis, c'est il boit, donc il va se passer quelque chose, donc il va être bourré, donc il va y avoir une situation marrante, donc voilà. Alors que c'est pas ce qu'il disait. C'est pas ce qu'il disait. Donc t'as rien du tout. Non, mais en fait, t'as rien écouté à ce qu'on disait. Non, mais il va te reculer. Non, parce que la figure on va revenir à ça, la figure du nez rouge aux États-Unis, elle vient uniquement quand il y a surconsommation d'alcool. Mais tu disais qu'il y avait systématiquement surconsommation d'alcool. Non, justement. Il y a surconsommation, mais c'est naturel chez eux. Essayez de partir du vin ou de la bière ou du whisky, peu importe. Oui, parlez de avec ton modèle, par exemple, tu bois une série comme Mad Men. Mais c'est pas pareil, c'est l'alcoolisme. C'est un contre-exemple. Mad Men, il parle justement de l'alcoolisme. Tu prends Friends, ouais, Matthew Mother, ils ont toujours une bière à la main ou dans un bar, et ils sont jamais bourrés, alors quand ils sont bourrés, c'est un événement exceptionnel. Je suis d'accord. Mais je parlais du vin. Mais il n'y a pas de contre-exemple parce qu'il n'y a pas de série française, c'est tout. Mais, je suis sûr que c'est... Dans la brocante, quand ils s'enfilent un peu de jaja, justement, les gars, j'ai regardé un petit peu. Comment ça s'appelle? Plus belle la vie. Tu veux en parler? Eh ben non, j'ai essayé de voir parce que je sais que ça se passe dans un bar. Le Mistral, je crois. Ça se passe dans un bar et j'ai regardé vraiment rapidement et j'ai pas vu en fait de consommation d'alcool dans ce bar. Les gens demandent un Diablo Menthe. Quoi? Ouais. Quoi? Mais après ça c'est différent. C'est une question de législation. On en parlera tout à l'heure. Ouais, mais c'est pour ça en fait la représentation de l'alcool dans la pop culture française, c'est forcément compliqué. Non, mais par exemple en France, moi je pense, tu vois, il y a un truc qui est un peu dans le courant français, c'est on dit par exemple qu'un verre de vin par jour, ça fait du bien, c'est bon, c'est recommandé par le médecin. Tu vois, ça c'est un... Oui, mais ça c'est sociologique. Oui, mais peut-être. Bah, on peut peut-être passer du côté sociologique maintenant, parce que je disais, j'ai pas de série ou de contre-exemple. Eh ben, c'est dommage. Non, mais tu vois, ça fait partie de la culture française quand même. Le fait que boire du vin, tu peux boire un verre par jour et t'es pas forcément le pocheron du coin. Oui, oui. Donc il y a aussi cette dimension Ouais, sauf que dans la pop culture, tu l'as jamais cette représentation-là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est soit t'as l'alcool, c'est l'humour, soit t'as l'alcool, c'est super noble, c'est les riches. Et d'ailleurs, c'est du des, coup, c'est des. Alors les, sur les riches. Ouais, voilà, ce qu'on voulait qu'on en parle un peu parce qu'on a parlé beaucoup du coup du nez rouge. L'alcool, c'est la fête en fait. Enfin, c'est quand même. C'est mais vrai pas toujours. Culture. C'est justement, c'est soit la fête, soit c'est quelque chose de très gardé. On va essayer de parler du coup du côté un peu plus gardé, parce qu'on a fait le tour donc des trucs populaires du nez rouge et aussi de la vision américaine qu'on peut avoir de l'alcool comme consommation courante qui est pas traité de la même façon que en Europe. Et maintenant on pourrait parler du côté des figures éventuellement plus guindées, plus moins populaires du coup de l'alcool qu'on peut avoir dans la pop culture. Est-ce que vous avez des exemples par exemple précis? Moi le premier qui me vient en tête clairement c'est James Bond. C'est James Bond évidemment. Alors, bah du coup j'ai vas-y, James Bond, c'est intéressant. T'as quelque chose sur James Bond? Oui. Ouais, moi aussi. J'ai Wikipédia. Alors, allez. Ça c'est de la référence. Alors non mais James Bond, en fait on t'as donné de l'argent à Wikipédia en fait? Putain. Oui, j'ai donné de l'argent. Ça me fait culpabiliser à chaque fois, ça m'énerve. C'est chiant. Je l'utilise sur 3 PC différents et à chaque fois. Mais on est en train de campagne de renouvellement. S'il te plaît, je crois que ça a été racheté par des Roumains en fait. S'il te plaît. Non, moi j'ai donné 3 euros, j'ai reçu une rose par la poste. Voilà. De c'est quoi vrai? C'est vrai? Non. Donc alors, James Bond, de la culture d'homme des on connaît tous James Bond pour enfin pour la vodka martini, la vodka au shaker, pas, et pas à la cuillère, merci. Évidemment. Et du coup, je vais. Et il y a aussi le champagne, c'est boulanger. Boulanger, j'ai un truc, je peux lire de quoi. Vas-y, dis. Ce petit paragraphe sur James Bond qui trouve sur Wikipédia France. Voilà. Bond possède aussi une connaissance impressionnante des alcools. Il apprécie les vins, notamment le Rothschild 47 et le Pièce Portier Goldfrotz Jaune 53. Il est aussi un grand amateur de champagne comme le Taltinger, le Boulanger ou le Dom Pérignon. Tatinger. Tatinger, peu importe. Dans Skyfall, on s'en fout. C'était James Bond commande toujours une vodka martini mélangée au shaker. C'est là où il y a le où il y a l'origine justement du cocktail. C'est là où c'est. Ah non, c'est avant, c'est dans le Casino Royale. Ouais. Ah oui, c'est Casino Royale. Donc vodka martini shaker pas la cuillère. Et en fait, il a plein d'alcools différents et dans beaucoup de films différents, en fait, ça change. Et alors dans les romans. Et dans les romans, du coup, il y a une étude par des médecins anglais qui a été faite où ils ont lu les romans, ils ont calculé qu'en fait, s'il buvait 92 verres par semaine, soit 13 heures par jour. Ce qui le rendait alcoolique et infoutu, de courir, de tirer ou de baiser. Ouais, voilà. Ouais, les médecins pointent le risque de dysfonction sexuelle pour James Bond. Et du coup, est-ce qu'en gros, je l'ai pas tout lu, mais en gros, il y a plein d'alcools différents qui sont liés à des bouquins, parce qu'à un moment, il boit de la vodka avec une pincée de poivre noir. Il dit que c'est une habitude qu'il a pris dans la Baltique parce qu'il a été stationné là-bas. Après, il y a le vodka martini et tout, il y a le champagne, le whisky. Et nous, on a tous en tête la vodka martini, alors que selon les occurrences du roman, c'est que 19 fois, alors que c'est 50 fois pour le whisky, 30 fois pour le champagne. Oui, mais alors voilà, parce que personne ne lit les romans de James Bond. Oui. En revanche, les films sont connus et dans les films, c'est le vodka martini au checker à la cuillère qui est connu, quoi. Ouais, si on parle de pop culture. Et alors, là, ce qui est intéressant avec James Bond, c'est que tu disais, il boit à peu près 13 verres par jour, ce qui peut tomber dans l'alcoolisme assez rapidement. Et pourtant, c'est pas énorme, franchement. Moi, je sens le sud qui parle là. J'en suis à 12 et j'arrive à baiser. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Et pourtant, dans la pop culture, James Bond garde ce côté hyper classe. Ce flegme anglais. Voilà, ces côtés hyper classe quand tu commandes une vodka martini au checker pas à la cuillère. Déjà, c'est classe. Et puis il le fait toujours dans un cadre, genre une soirée gardée. C'est l'accent qui. Non, mais il commence ça au bar d'une soirée gardée. Oui, bah fais attention à ce que tu fais. Il commence ça au bar dans une soirée branchée avec des gens en costard et tout. C'est toujours assez impressionnant. Et il a une connaissance de l'alcool. C'est dit dans Wikipédia. Il connaît bien son alcool. Il sait si quoi Wikipédia demander. Si Wikipédia le dit. Non, mais tu vois, c'est vraiment la figure. Précise du noble dans l'alcool, c'est qu'il sait ce qu'il veut. Est-ce que du coup il y a pas une différence entre le prolo, en fait il boit mais il connaît pas vraiment, c'est ça, alors que celui qui connaît, c'est exactement ça. Le noble. C'est là où c'est super intéressant, c'est que en réalité la grande différence entre l'alcool populaire et l'alcool très bourgeois, c'est dans l'esprit de tout le monde, c'est la connaissance de cet alcool. Moi, je prends l'exemple du vin. C'est toujours lié à la culture, quoi. Parce que c'est ce que je connais le plus. Quand tu parles à quelqu'un qui, alors déjà la première phrase moi que j'entends en tant que sommelier, c'est j'y connais rien en alcool. j'y connais rien en vin. Ça, moi non plus, j'y connais rien en vin. Je connais la fabrication, je sais en parler, je sais le déguster, je sais le conseiller. Ah, mais mettre des mots, c'est important, en fait. C'est peut-être ça tout le truc, c'est que oui et non, quelqu'un parce qui que... sait dire laisse-le finir, laisse-le finir, oui pardon, oui et non parce que le plus important dans le vin ou dans l'alcool, c'est pas de savoir comment il a été fait, ce qu'il y a dedans, ou l'étiquette ou le prix ou quoi que ce soit, c'est de savoir si ça te plaît ou pas. Le reste, ça ne sert strictement à rien. C'est du pédant, quoi. Oui, voilà. Ça, oui, moi, forcément, sur le vin qu'on est en train de boire, là, en ce moment, je pourrais te dire, tiens, il est plus ou moins astringent, goulayant, je pourrais te sortir des mots. Astringent, c'est, qui t'assèche la bouche. D'accord. Voilà. C'est quand ça te tire sur l'arrière du palais, c'est les tanins du vin qui te tirent, qui t'assèche le palais et qui te tire justement sur l'arrière de la, voilà. Bah pour le coup, il l'est pas. Bienvenue dans France Culture, pour le coup, c'est... Mais au voilà. Palais Royal. Mais c'est ça, c'est ça le problème, c'est que en réalité, la plupart du temps, le vin en l'occurrence, parce que moi j'en reviens à ça, c'est pas du tout quelque chose de très noble. C'est noble parce que il y a certaines bouteilles et certaines maisons qui sont vendues à des prix totalement indécents, genre 5000 balles la bouteille. Non, mais même 5000 euros, c'est, enfin, pour certaines bouteilles, c'est rien. C'est rien. C'est du putain. J'ai l'impression que c'était la. Ça, ça. C'est quoi la. Alors, c'est quoi la bouteille la plus chère que t'aies jamais vue? Non, bu. Allez, la bouteille la plus chère que t'aies jamais bu. La bouteille la plus chère que j'ai jamais bu, c'est un Mouton Cadet 82. Ça coûte 137 000 euros. Quoi? Ah ouais. Tu l'as bu? La gorgée. Mais t'es complètement con. Sérieusement? Mais fallait le cracher dans un verre et aller le revendre au marché! Et t'as sucé qui pour voir ça? J'ai sucé personne, ça faisait partie de mes études, j'ai goûté ce genre de vin. Bah évidemment! Non, voilà. Ça doit être cher. Mais la question c'est, est-ce que ça vaut le coup? Non. Bah voilà. Voilà. Pas du tout. Tu vois? C'est, alors après, ça vaut le coup si toi tu fais partie de ce milieu-là et, un jour, voilà, t'es avec quatre mecs autour, tu dis, ouais, j'ai bu un vin, machin. Comme là, quoi. Je te la pète un petit peu, faut le dire. Mais non, mais justement, arrête. Moi ça ne m'intéresse pas ce genre de truc. Et justement sur les figures de l'alcool un peu guindé et bourgeois, moi j'ai un exemple qui est très clair, qui est des documentaires qui ont été faits par Arte. Alors déjà, le nom dit ce qu'il veut. Arte, c'est souvent considéré comme l'élite de ce genre de truc. Ça dépend. Enfin, c'est pas le sujet, mais vas-y. Ça s'appelle Les Clés du Terroir. C'est une série de documentaires qui a été fait, et c'est justement avec un écrin extrêmement noble, où c'est extrêmement bien filmé. Il y a eu un budget immense dans les caméras, le montage et tout ça. Et dans ces documentaires-là, en l'été, ils donnent la parole à des vignerons, et les vignerons, c'est des paysans. Bah oui. C'est des mecs qui passent leur année avec les mains dans la merde et dans la terre, à essayer de faire le meilleur vin possible. Après, certes, il y en a certains qui vendent ça à des prix indécents et qui se montent le bourrichon. Je pense notamment, pour donner un autre exemple, c'est le film Mondo Vino de Jonathan Lasseter, qui est un des grands pontes du vin mondial. C'est-à-dire que c'est un mec qui fait un guide tous les ans, le guide Lasseter, qui dit voilà, si vous voulez boire un vin, faut boire celui-là. Mais en réalité, c'est que des choses plus ou moins commerciales et du copinage. Ouais. Et c'est un film, Mondo Vino, où ce n'est que de la branlette sur le vin, qui n'en est pas du tout. Parce qu'il y a un aspect énormément commercial. Enfin, pour revenir à ce que tu disais sur Arte, et à fortiori par ton deuxième exemple, c'est un truc qui en plus est fait en deux langues, qui est exporté en Allemagne du coup de base. Et du coup, voilà, il y a même l'aspect du terroir est complètement oblitéré par le fait que parce qu'il y a la clientèle pour, parce qu'il y a justement cette catégorie de personnes qui achètent du vin, qui achètent l'étiquette, ouais, tout simplement, ouais, l'image, ouais. Et c'est là où la grande différence est faite entre le vin noble et le vin populaire, entre le jaja et la bouteille à des prix ça se dit même pas. Et pourtant, moi j'ai bossé au Georges V. Il y a des bouteilles, il y a pas de prix sur les. Au pont sur, Georges V. Bouteilles. Oui, voilà. Ouais. C'est quoi, c'est un restaurant. Il y a du client. C'est un restaurant étoilé et où en fait les mecs sortent des bouteilles, mais en fait il y a pas de prix dessus. C'est-à-dire que les mecs ils vendent ça à des émirs du Qatar et les mecs en ont rien à foutre du prix. Ils s'en foutent. Ça peut être 1 million d'euros. Ouais, c'est comme les milliardaires chinois qui investissent à fond là-dedans, qui achètent des. Voilà. Et eux, ce qui les intéresse, c'est juste le nom. Et ouais. Après c'est pour moi, enfin en l'occurrence dans le vin, c'est là où la différence se fait, c'est entre le côté très noble du nom et ce qu'il y a dans la bouteille. Moi, les meilleures dégustations que j'ai fait en vin, c'est à des bouteilles qui coûtent mais même pas 15 euros à l'achat, si tu veux. Et c'est pas parce que justement tu l'achètes très cher que c'est forcément bon. Certes, la vinification et la manière dont c'est fait et après les caves sont différentes, c'est sûr. Mais ça veut pas dire que c'est forcément quelque chose de très très fort. C'est comme avec les putes. Exactement, non, c'est un produit. Je suis désolé de te... Oui, tu veux. Parce que là, du coup, on a fait... J'ai trop parlé, c'est ça? Non, t'as pas... Non, c'était très intéressant. Tu ne parles jamais trop. Sinon, t'aurais rien coupé, y a pas de soucis. Tu me suspends, toi? Ça va venir. On est en famille, si tu t'es chiant, on te l'aurait dit. Donc, du coup, là, on va faire la chronique de Steven, l'anachronique. Et après, on pourra refaire un petit retour pour conclure un peu sur cet aspect qu'on est en train de développer. C'est juste pour couper un peu, voilà. Donc, Steven, une anachronique, ça faisait longtemps. Qu'as-tu à nous raconter dans ta belle besace? 2,21 gigawatts. L'anachronique. Mon Dieu. Alors, je me suis dit bon, une anachronique sur l'alcool. En cherchant dans la littérature ancienne, on va bien forcément trouver quelque chose. Rabelais, Villon. Voilà, à peu près tout le monde. Et j'avais commencé à trouver des choses sur, me souvenir d'un texte de Balzac, mais je me suis souvenu de quelque chose de beaucoup mieux, qui est un dictionnaire que j'aime beaucoup. Le dictionnaire amoureux du vin. Non, quand même pas. C'est... Il est très bien. Non, un dictionnaire que je lis régulièrement. Oui, je lis le dictionnaire. On a déjà une vie de merde. Entre ça qui passe 3 heures à regarder des séries, donc il y a le dictionnaire. Super fucking cabesse. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'appelle le dictionnaire. Enfin, c'est Monsieur Leroux qui, en 1750, a écrit un dictionnaire. Comique, satirique, critique, burlesque, libre et proverbial. Tout un programme. En gros, ça vient d'un... Ça fait un adjectif de trop pour moi, mais c'est pas grave. C'est très bien. C'est un dictionnaire qui s'inscrit dans la mouvance au XVIIIe siècle où il y a à la fois une concurrence entre la volonté de fabriquer une langue noble, par l'Académie française notamment, et plusieurs groupes qui cherchent soit à revenir à une langue plus ancienne, à la Rabelais, donc une langue un peu... voilà, langue du 16e siècle, un peu de terroir, ou un peu, bon, ce serait un peu abusé de dire ça, mais disons ça, ou une langue, au contraire, très, très urbaine, la langue qu'on appelle la langue des halles, parce qu'à l'époque, les halles, c'était vraiment le marché, et c'était, un peu les pégus de Paris, comme ça. Comme deux enfants ou pas? On pense au ventre de Paris. Deux enfants? Putain, voilà. Marier deux enfants, le ventre de Paris, hein, deux mondes, deux références. Alors, le ventre de Paris, c'est 19e siècle, c'est un peu plus tard. C'est l'image. Alors, c'est bien Emile, c'est la bonne image, Emile. Excellent. Je vais d'abord parler du dictionnaire de Leroux, qui parle énormément d'alcool. Parce que justement, c'est les termes qui sont un peu supprimés dans la langue bien fondée de l'académie. Alors, j'ai sélectionné quelques mots. Vends-nous du rêve. Le dictionnaire parle de termes bachiques, ce qui est assez joli. C'est un Bacchus. Ça vient de Bacchus. Alors, ça vient de Bacchus. Oui. Ouais, mais calme-toi, Alexandre. On sait que tu es intelligent. Tout va bien. Alors, Bacchus, c'est le dieu de l'alcool et de la fête, en gros, à l'Antiquité. Et bachique, dans la langue littéraire, ça veut dire qui a trait à l'alcool. Donc, j'ai quelques mots. Le premier que j'ai, c'est compulsoire de buvette. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'un compulsoire de buvette? C'est des brefs de comptoir. Eh ben, non, pas du tout. C'est un mec qui enchaîne les verres, sur verre. Alors, parce que t'as pensé à l'aspect compulsif. Ouais, non. Non, je pense que l'étymologie de compulsoire, je sais pas trop ce que c'est, mais je m'en fous. Alors, compulsoire de buvette, ça veut dire propre à altérer un buveur, à lui faire trouver le vin bon. Alors, sachant que altérer, ça a pas vraiment le sens qu'on a aujourd'hui de changer. Ça veut dire, le griser. Non, ça veut dire causer la soif à l'époque. Ah oui. À désaltérer, altérer. Voilà. Ouais, c'est ça. Exemple de compulsoire de buvette. Eh ben exemple, et lui il cite, c'est un terme bachique qui signifie le jambon, le saucisson ou autre chose de haut goût. Ah donc voilà. C'est la charcute quoi. C'est la charcute. Ah, ouais, putain, c'est l'époque où c'était classe de manger du saucisson. Les salaisons. Alors maintenant, compulsoire de buvette. Au lieu de dire de la charcutaille, on puisse dire du compulsoire de buvette parce que c'est quand même un terme qui a une certaine classe. Je l'adopte. Autre mot, carillonner. Faire du bruit, non, se bourrer la gueule dans la rue. Non, c'était commander un autre, une autre tournée, non, c'était, les carillons sur les bars. Avant, justement, il y avait des carillons au bout des bars. Ah ouais? Où justement, tu le faisais sonner pour, appeler le serveur pour, commander une autre. Alors ça, c'est intéressant parce qu'à mon avis, ça dérive du mot que je vais donner au 18e siècle. Ouais. Qui a dû dériver au cours du 19e ou du 20e siècle. Carillonner, c'est juste, c'est ce qu'on appelle, nous, trinquer. Ah. On carillonne parce qu'on fait du bruit quand on carillonne. C'est beau. Non, je pense que je vais enrichir votre vocabulaire et notre consommation d'alcool va être d'autant plus sublimée. Voilà. Qu'est-ce que selon vous plus un fort. Chevalier de la coupe? Ah, c'est un gros buveur. Voilà. C'est un buveur, un ivrogne, un disciple de Bacchus, un homme qui aime à boire le petit coup et qui fait volontiers des débauches honnêtes, non, plus pour s'enivrer et grenouiller que pour endormir le chagrin. Grenouiller. Oh, c'est beau, un chevalier de la cour. Grenouiller, c'est quoi? Alors, grenouiller, ouais, c'est justement, c'est, non. Non, trop. Non, mais, lui, il a, je veux dire, un esprit très simple, hein. Non, grenouiller, justement, ouais, c'est un peu picolé dans l'ambiance festive, quoi. Allez. On grenouille, quoi. C'est marrant parce que mini chevalier, après, c'est un terme qui a été utilisé pour désigner le demi. Ah ouais. Bah, du coup, chevalier la coupe, mini chevalier. Voilà. Tout se recoupe, c'est classe. Chevalier la spalès. Tout se recoupe. Chevalier la spalès. Voilà. Alors, un petit mot que je vais vous donner comme ça. La liqueur bachique. C'est un terme qui désigne le vin. Le de la liqueur. Aussi appelé le foutre de Bacchus, je crois. Le foutre de Bacchus. C'est fin. Ça se mange sans alors, fin. C'est uniquement quand il y a du dépôt. C'est beau. Un autre petit terme, chopiné. Ah bah là, on s'est siroté. Alors, non, c'est boire chopine sur chopine, faire débauche au cabaret, grenouiller. Ouais. Ok, donc on chopine. On chopine, ça veut dire on picole. Attends, J2, ça veut dire quoi chopiner pour toi? Non, c'est bon. C'est intéressant. C'est vrai qu'il y a piné dedans. Alors, autre terme qui je pense pourrait être le nom de l'AFK, qui s'appelle prêcher sur la vendange. Une idée de prêcher sur la vendange. Prêcher sur la vendange. Boire que du vin, non? Parler de vin, quoi. Non. Alors, prêcher sur la vendange, c'est une manière de parler bachique qui signifie parler tandis que le verre est plein et que le vin s'évente. Cette manière de parler se dit à table d'un homme qui parle sans relâche et qui ne boit point. Ça sert aussi à faire ressouvenir à une personne de boire et qu'il est temps qu'il se taise. Putain, c'est stylé. C'est hyper. Arrête de prêter sur la vendange, qu'on carillonne un peu. Qu'on carillonne un peu. Alors, un autre. Enfin, c'est surtout à la vedette. La vedette dans un dictionnaire, c'est l'entrée, quoi. À la vedette vin, j'ai quelques belles petites expressions. Par exemple, on dit d'un vin qu'il n'a que l'épée et la cape lorsqu'il est fluet et qu'il a peu de vin ou peu de force. D'accord. Un vin n'a que l'épée et la cape. Ça, c'est ce genre maintenant goulayant. D'accord. C'est dans les un noble qui serait dans les sbrouf en fait. Il a juste l'épée et la cape, mais il a pas les couilles derrière. Non, c'est ça. Il a pas la retenue et le fond nécessaire pour vraiment pour étayer ses atouts. Voilà, c'est le mot que je cherchais. D'ailleurs, petit mot pour étayer son patrimoine, puisque patrimoine dans ce même dictionnaire, c'est-à-dire les parties honteuse d'un homme ou d'une femme proprement génitoire. Voilà. Son patrimoine. Étayer son patrimoine, c'est classe. C'est beau. C'est classe. Alors deux expressions encore. Faire emplette de vin, ça veut dire s'enivrer, boire plus que raison. Ça c'est assez logique. Faire place à un verre de vin, ça c'est une très belle expression qui veut dire tout simplement. Cul sec. Évacuer le superflu de boisson, uriner, pisser. Ah. Je fais place à un verre de vin. Voilà. C'est pas mal. Bon alors. Ça c'est le dictionnaire. J'ai parlé donc de faire pleurer le bonhomme. Je sais pas se branler ça. Ah non. Il y a des. On y reviendra dans une prochaine fucking carmesse. Ouais, voilà, la différence entre la masturbation et l'urine. C'est faire pleurer le cachalot. C'est pas le même goût. Alors ça c'est le cachalot. Attends, faire pleurer le cachalot. Moi je connais faire pleurer les colosses. Ouais, mais c'est la même image quoi. Ouais, c'est pareil. Ouais. Très bien. Donc là j'ai parlé vite fait du dictionnaire Leroux qui est un très beau dictionnaire de. Des manières, mais c'est plus. Il est sur Gallica, je crois. Alors il a été réédité. Il est pas chez Albin Michel. Il a été réédité, je ne sais pas chez qui, mais en 2003, je crois, ou en 2003. Mais il est chez Gallica, non? Et moi, je trouve que c'est la preuve, tu vois, que tout à l'heure on disait qu'il y avait pas beaucoup dans la culture populaire, effectivement, française, de représentation du vin ou de l'alcool, etc. Et que c'est beaucoup plus du côté de la culture américaine qu'on peut voir la différence. Tout à l'heure, laisse-moi finir. Tais-toi. On a tout à l'heure on disait que ça se représente plus dans la culture américaine, en effet dans les séries tout ça. Moi je pense en fait c'est que le vin en fait c'est lié plus à quelque chose de littéraire en France. Du moins le côté noble en fait. Il y a eu beaucoup de. Alors pas forcément. C'est pas spécialement noble. C'est pas seulement pisser noblesse. C'est pas spécialement noble, mais ce qui est intéressant c'est que la noblesse en France, enfin l'aspect noble de la boisson en France, elle est vachement liée justement à ce que tu disais tout à l'heure et que tu décriais un petit peu, c'est-à-dire le côté en fait on met des mots dessus et le fait de mettre des mots dessus et de un peu de conceptualiser, c'est de mettre des beaux mots, trouver des belles expressions pour dire au lieu de dire je vais pisser, je vais faire place à du vin. Mais laisse-moi finir. C'est lié à quelque chose en France qui fait que le côté noble de la boisson, il est lié à quelque chose de littéraire, à quelque chose de, à partir du moment où tu conceptualises et tu mets des beaux mots dessus, et ben c'est comme ça qu'il devient noble avec la boisson. Mais moi non plus, je suis pas d'accord parce que là, c'est des beaux mots maintenant. C'est des beaux mots maintenant parce que tu les trouves updated, alors que déjà des beaux mots, à l'époque, non. Bah non, à l'époque c'est du vocabulaire. Il vient de te dire que c'est du vocabulaire de base, quoi. C'est du vocabulaire. Là, le dictionnaire Leroux, en gros, il y a un certain conservatisme en fait dans ce vocabulaire. parce que c'est revenir avant l'académie, c'est-à-dire avant l'institution d'une langue qui devient la nouvelle langue et la langue un peu parisienne. C'est pas du vocabulaire de comptoir. Ben, il y a pas de comptoir vraiment à l'époque. C'est du vocabulaire de taverne, ancien. Casse pas les c'est du vocabulaire ancien. Mais non, mais attends, justement, j'en viens à la langue poissarde. Qu'est-ce que la langue poissarde? C'est la langue justement des Halles, ce que je parlais tout à l'heure. D'accord. C'est-à-dire un peu le parler populaire mais contemporain de du 18e siècle. D'accord. Là, on a vu le parler populaire ancien. En fait, tous ces mots que j'ai cités là, c'est des mots qui sont référés à une époque ancienne où on était plus buveur, donc plus authentique. C'est ça. D'accord. Une autre forme d'authenticité, c'est ce qu'on appelle donc la langue poissarde, qui est soutenu notamment par quelqu'un qui s'appelle un petit peu Jean... comme l'appartement de Stavro. Voilà, le Jean-Joseph facile mais efficace. Jean-Joseph Vadé. Et qui écrit notamment un catéchisme Dark poissard. Dark Vadé, non? Dark Vadé, c'est ça. Un catéchisme poissard et c'est une œuvre absolument merveilleuse que je vous invite à lire et je vais vous lire un petit peu un chant dithyrambique sur la merde et le pisse. Oh putain. Ah, mais il soutient que mieux que l'alcool, il y a la pisse. Alors, je fais un petit. Tu vas le chanter? Non, c'est un poème. La langue poissarde, c'est un peu vraiment le parler, mais vraiment populaire du Paris, du Bois et Poivreau, le ventre de Paris, un petit peu. Jean-Joseph Vadé, la merde et le pissa. Père du paix et de la veste, roi des fessiers retentissants, ô mon cul, soutiens mon ivresse, prépare tes plus beaux accents, et vous, ô nez, prêtez l'oreille, venez savourer les merveilles, dithyrambe sans égal. Mon Parnasse est une chirille, mon Permès est une pisserie, et ma lyre un boyau merdal. L'eau sans doute est très bonne à boire, quand le larynx est altéré, ô Bacchus, j'admire ta gloire, ton nom ne fut pas toujours sacré, j'aime le nectar, l'ambroise, le champagne, le vin de Beaune et de Mâcon, mais où trouverais-je une treille qui donne une liqueur pareille à la liqueur de saucisson? Bravo. Alors ça continue comme ça sur plusieurs pages. Sur ces beaux mots, je vais faire une place pour un verre de vin. C'était magnifique. Je vais arrêter là mon anachronique, mais au 18e siècle, il y a beaucoup un mouvement comme, enfin, il y a un mouvement comme ça. Un mouvement de la merde. Non, un mouvement du parler authentique ou du parler populaire, qui est vraiment, qui est vraiment axé sur. Alors, ça, c'est parti. Il vole les cigarettes, mais il ne le saura jamais. Qui est axé que deux dans le paquet suivant, on va mettre deux trois. C'est... qui est axé sur l'alcool, et donc l'alcool a une sorte d'authenticité, une sorte de popularité qui est exacerbée par un langage. Et donc voilà, je trouvais ça beau de faire une anachronique. C'était très intéressant. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Magnifique. Bravo. Et ben, merci bien. Et donc du coup, on va juste conclure un peu sur le premier axe qu'on avait. Parce que là, on en est seulement au premier axe. C'est ça qui est beau dans cette fucking kermesse, c'est qu'on parle beaucoup, mais c'est très intéressant. Donc la culture noble et la culture poivrotte populaire de l'alcool. Est-ce qu'on a une... Moi, il y a juste un petit truc que je voudrais dire avant qu'on s'arrête. C'est que je pense que la différence qu'on peut faire entre les deux, c'est vraiment l'argent en fait. Et qu'il y a peut-être une lecture un peu marxiste à faire la différence entre poivreau et noble, parce que le noble, on l'a dit, c'est celui qui connaît son alcool, qui sait ce qu'il boit, qui boit pour le plaisir de son palais, et du coup ça implique forcément les moyens de l'acheter, et ça implique également le temps de connaître, de boire, etc. Donc un notium forcément que le mec qui travaille n'a pas, et je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, ou tu dis de la merde. Un notium? Oui, un notium. Le mec qui parle latin. Un notium, c'est le loisir, c'est le loisiveté. Donc voilà. Ça c'est des questions historiques, mais d'un point de vue hygiéniste au 19e siècle, les ouvriers, pour éviter qu'ils se bourrent la gueule, est-ce qu'on les considère comme des vieux alcooliques, on les rendait propriétaires d'une maison en leur disant, s'ils sont propriétaires, s'ils sont possédants, ils boiront moins. Ouais. Oui, sauf que, en partie, dans leur salaire, il y avait quand même des bouteilles d'alcool qui leur étaient données. Ah, ça ouais. Faisait partie de leur salaire. Quand ça? Je sais pas, la semaine dernière peut-être. Non, je pense au 19e jusqu'aux grandes réformes du travail. Ouais. Non, mais les mineurs par exemple étaient payés entre autres, étaient payés en deniers, mais étaient aussi payés avec de l'alcool. Ça faisait partie du vin, quoi. Ça faisait partie de leur salaire. Ouais. Alors que moi, les réformes plus moralisantes pour la propriété, c'est plus 1920-1930, donc c'est sûrement après, j'imagine. Mais du coup, il y a, je pense, vraiment une lecture marxiste à faire entre la différence populaire. Noble, ou alors j'ai n'importe quoi. Non, mais il y a clairement une question d'argent de toute façon là-dedans, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il est dépensé de manière plus pérenne dans les hautes sphères où justement il est juste dépensé pour pas forcément se déchirer la tronche, mais juste avoir du vin à table, parce que ça fait partie aussi de la culture populaire d'avoir du vin à table. Je sais plus ce que je voulais dire. les bouteilles non, descendent régulièrement. Hein, bah, faut le dire. Non mais ah oui, il en reste plus trois. Le c'est sûr que l'argent fait partie intégrante de cette vision du soit du de l'alcool beau soit du soit de l'alcool beauf beauf. Bah c'est vrai que le beauf ou le clodo boit généralement du picrate. Bah en fait il boit c'est pour la figure se... du cubi. Alors après le clodo boit pour se réchauffer. Ouais. Alors que celui qui vit dans sa belle maison avec sa cheminée boit pour mondain, quoi. Voilà, pour montrer à ses amis qu'il invite chez lui, voilà, j'ai de l'argent, je peux mettre de l'argent là-dedans parce que ça fait partie Des décorums. Ah, c'est un signe extérieur de richesse. Voilà. Il y a effectivement une dimension sociale et celle que tu appuyais tout à l'heure, pardon de revenir là-dessus, mais sur en effet l'alcool à chaque fois à partir du moment où tu mets des mots dessus, effectivement t'en fais quelque chose pour une catégorie sociale élevée. Mais je pense que c'est aussi parce que comment dire. Enfin, je trouve ça culturellement en fait, je trouve ça normal que savoir boire, ça fasse. Enfin, c'est comme dans la musique en fait. Dans la musique, quand tu connais un peu la musique, tu sais dire des mots, tu sais mettre des mots sur des trucs musicaux. C'est comme la moto. Quand tu connais la moto, tu ouais, peux dire des mots. Sur... Mais c'est vrai, tu vois. C'est comme le diabolo. Il y a peut-être. Non, mais c'est une question d'esthétique en fait. À partir du moment où t'esthétises le vin. C'est normal que tu saches mieux le boire. Et en fait, je pense que la différence, si on est encore là-dessus, hein, sur le noble et le, ouais, ouais. Et ben, la différence entre le noble et le poivreau, c'est ça, quoi. C'est juste savoir mettre des mots dessus. Avec des gens justement qui ont des incointances qui sont identiques avec les tiennes, que tu sois guindé ou que tu sois populo, ça a peu d'importance à partir du moment où tu prends du plaisir à ce que tu fais et à ce que tu bois. C'est surtout ça le truc. Et c'est une belle conclusion pour cette partie. Et on reviendra d'ailleurs à ce que tu dis du coup à l'alcool partagé, l'alcool aimé, l'alcool qui rend ivre dans la seconde partie. Mais pour faire une transition intéressante entre ces deux parties. Ah bah vous avez personne à plus rien à dire sur la, c'est bon. On a fait le tour, je pense, ça va. Allez, enchaîne. Enchaînons. Avec la chronique juridique de Zaza qui va nous parler donc des déboires de l'alcool et de la loi. Pour qu'ensuite on parle, nous, ensuite, de l'alcool et de son génie et des génies qui boivent de l'alcool. Parlons voilà. De Monsieur Evin. Vous vous souvenez certainement de la polémique qui a secoué la twittosphère l'espace de 2h20, Nabila. Suivant l'annonce de France 4 de la réalisation d'une certaine émission sobrement intitulée Alcotest. Ah oui. Diffusée cette émission, mettant en scène l'alcoolisation des jeunes devant les caméras à des fins de prévention. Okay. Deux prétendus experts, qu'on soupçonne fortement d'être Michel et Jean-Loup, les deux piliers du bar PMU en face du studio de France 4, sont censés encadrer cette bande de joyeux lurons et leur faire faire des tests pour montrer l'influence de l'alcool sur la mémoire, l'agressivité, la sociabilité et l'appétit sexuel. Bon, qui est peut-être pas le dernier, mais on attend toujours le documentaire exclusif sur les coulisses de l'émission. Assaillie par les critiques, la directrice de programmation de France 4 avait cru bon de s'exclamer, certainement pour apaiser la foule, que les jeunes avaient déjà consommé de l'alcool avant l'émission et qu'ils étaient volontaires et non des victimes. Tiffen, de son prénom, Tiftouf, comme on l'appelle. Tu vas te déconner, là. Comment tu veux nous faire croire que des jeunes de 20 à 30 ans vont vouloir volontairement se faire payer pour se peinter la gueule aux frais du contribuable? N'oublions pas que France 4 est une chaîne de service public. Et tout ça en ponctuant l'émission de petits jeux pour montrer que le Jean Seb n'arrive plus à finir son memory après son 5e verre de Ricard. Non, franchement, Tiffen, ça ne prend pas. Ça ne prend pas. J'aimerais trop la faire, cette émission. Vaillant porte-étendard de la brigade Antifun, l'Agence Nationale de Prévention en Alcoolologie et en Addictologie, ou ANPAA, à ne pas confondre avec l'Association pour la Nudité sur les Plages Albanaises de l'Adriatique, avait saisi, à tort, le CSA et France Télévisions, au titre que l'émission contrevenait ainsi au cadre législatif en la matière de représentation de l'alcool à la télévision. Revenons en l'an de grâce 1991, où on a quand même eu dans l'ordre le Civil Rights Act aux États-Unis, ma naissance, et la... Ma naissance? Oui, non mais, c'est dans l'ordre d'importance. Et la 30e des mariés de la 2, ancêtre de l'émission Les Amours. 1991, donc, avec l'arrivée de la loi Evin, qui marque la fin de l'âge d'or de la télévision. Plus de Bukowski titubant en tentant de quitter le plateau d'apostrophe, plus de face-à-face entre une Whitney Houston outragée et un Gainsbourg outrageusement ivre. Bref, plus le droit de faire l'apologie de l'alcool à la télé. Enfin bon, certains ont réussi à passer entre les mailles du filet malgré leur manque flagrant de discrétion, comme notre Jean-Luc Reichmann national arborant fièrement son nez Rubicon, en essayant tant bien que mal de faire attention à ses foutues marches tous les midis sur TF1 pendant deux ans. Il n'est pas pour autant interdit de mentionner l'alcool, ni même de présenter des gens en consommant, mais ces représentations doivent s'accompagner d'un ton hygiéniste, ou tout au moins de messages répétés sur les effets négatifs de l'alcool, matraquant l'esprit des téléspectateurs ad nauseam. Quand on voit l'impact de ce type de message sur les consommateurs de cigarettes, on peut s'interroger sur la stratégie gouvernementale. En effet, qui n'a pas eu sa période de collection des paquets de clopes s'échangeant à la récré et sous le manteau une impuissance masculine contre un fœtus atrophié. Enfin, ce dispositif législatif a été complété par un encadrement au niveau des publicités pour que les boissons alcooliques, ces dernières ne pouvant pas être diffusées à toute heure, je m'éloigne quelques secondes de la télé pour faire un parallèle avec la régulation de la radio en la matière. L'article R3323-1 du Code de la Santé publique dispose qu'à la radio, de telles publicités sont autorisées le mercredi entre 0h et 7h, mais tous les autres jours entre 0h et 17h. On peut seulement imaginer que l'État avait à cœur la santé des parents particulièrement vénérables à l'alcoolisme le mercredi midi sur le trajet du retour en ramenant leur progéniture de l'école après avoir reçu le troisième cendrier en pâte à sel de la semaine. C'est en vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 que ce cadre législatif a pu être adopté, ce dernier prévoyant la possible limitation de l'exercice de la liberté de communication dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public. C'est un beau principe ça, non ? Mais une fois n'est pas coutume, l'État pisse dessus allègrement en créant une exception mineure pour la France, hein, dans toutes ses règles contre la publicité et l'apologie de l'alcool, le vin. Effectivement, le vin bénéficie d'un traitement de faveur au prétexte qu'il fait partie du patrimoine national. L'UNESCO a même reconnu le repas gastronomique des Français comme faisant partie intégrante du patrimoine immatériel de l'humanité, soulignant le plaisir du goût et le mariage entre mets et vins, s'il vous plaît. Ce qui est normal. Ce que, voilà, bon. On peut conclure en disant que oui, la santé publique, c'est bien. Il faudrait quand même pas que ça nous empêche d'exporter des châteaux Latour à des milliardaires chinois pour qu'ils se rincent la bouche avec. Ouais. Voilà, bravo. Bravo. Bravo. Une belle chronique juridique, ça. Il devrait en faire plus souvent, s'il avait moins la flemme. C'est le problème principal. Ah, c'est beau, c'est super bien écrit. Merci bien. Ah, et donc, c'est instructif. C'est instructif, parce que du coup, on a parlé de la loi Evin, et ça peut nous amener facilement au second sujet, où on parle du coup du génie et de l'alcool, et donc... Alors, quelle est la transition entre ces deux? C'est vrai que la transition est pas du tout. Ouais, juste avant ça, je veux juste revenir sur un truc, parce que t'as parlé du vin et de l'exception culturelle française concernant le vin. Il y en a encore une supplémentaire. Ah. Qui est totalement française, qui est celle du champagne. Ah bon? Ah bah je suis passé à côté. Parce que le champagne a alors la région de Reims et du Champenois qui produit ce champagne qui est vendu partout dans le monde et qui est imité en Californie. Un des seuls mots français qui est champagne, qui est le seul qui est exactement le même partout dans le monde. Le champagne a encore plus d'exceptions culturelles et notamment législatives en France, notamment le fait que on a le droit de faire de la pub pour le champagne, c'est autorisé. Ah, c'est vrai. Peu importe l'heure à la télé, alors c'est pas fait, mais ils pourraient le faire. Mais c'est vrai qu'on n'en voit jamais. En soi. On n'en voit pas parce que bon, ils ont quand même. Après, dans les publicités, quand tu lis des magazines et autres, tu peux avoir des pubs pour le champagne. Mais est-ce que c'est pas une stratégie commerciale ? Alors, c'est encore différent. C'est un bien de luxe qu'on n'a pas besoin en fait dont on n'a pas besoin de faire la pub en soi. Très clairement, quand tu prends juste géographiquement, la région du champagne, c'est une région qui est minuscule en France, qui produit des milliards d'hectolitres par an de champagne, ce qui n'est potentiellement et physiquement pas possible. À moins qu'il y ait Jésus qui transforme l'eau en champagne dans cette région, ça serait stylé. C'est pas possible. Le champagne a le droit à tout. Les producteurs de champagne n'ont absolument aucune pression de la part de la loi française. Pas de pression au fond du champagne. Non, justement, c'est naturel, soi-disant. Mais ils peuvent absolument tout faire. Par exemple, juste comme ça, pour faire le tour de la table, à votre avis, comment on fait du rosé? On mélange du blanc et du rouge. Eh ben ça c'est interdit. Non, mais... Eh bien moi je pense sauf c'est du vin blanc. Sauf au champagne. Ah oh, en champagne. Le champagne on rosé. On a le droit de faire du champagne rosé en mélangeant du rouge et du blanc. Putain. Alors, comment on fait? On pisse dans les bouteilles de rouge. Et c'est systématiquement fait comme ça? Non, c'est pas systématiquement fait comme ça, mais ils ont le droit. Alors que partout en France et en Europe, c'est interdit. D'accord. Strictement. Et le rosé se fait comment, pardon? C'est parce que c'est une piste, de Satan. C'est parce que c'est une piste, ils veulent. C'est dégueulasse. Ils ont un tel moyen de pression financier qu'ils font absolument ce qu'ils veulent. Mais il y a aussi le principe, à partir du moment où t'as une AOC, t'as un contrôle total sur ta fabrication et t'as le droit d'interdire aux gens d'avoir le même nom sur ta marque. Après, je vais être chiant, mais rentrer dans le débat de l'AOC, c'est encore différent. En fait, l'AOC, c'est un cahier des charges. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu dois remplir en tant que vigneron. Mais qui est établi par eux. Qui est établi par la législation française. Ah bon? C'est pas au niveau du vigneron? Non. Alors, ce débat, on prendra évidemment à 23h30. Non, mais BFM Business. Juste pour revenir là-dessus, je vais arrêter de parler et d'être chiant. Non, c'est pas chiant. Le champagne a vraiment le droit de tout faire. Ils peuvent absolument faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont un tel moyen financier que la loi française ferme sa gueule. Putain, le lobbyisme à l'américaine. C'est-à-dire que la loi Evin, elle ne concerne pas le champagne. C'est fou. Ok. Et c'est acté dans la loi. Non, c'est pas la loi et champagne, c'est la loi. T'as un addendum sur le champagne. un addendum. C'est pas acté, mais il y a pas de loi pour le champagne. Il y a pas de réelle loi comme il peut y avoir sur d'autres AOC où vraiment ils doivent remplir des cahiers des charges. C'est-à-dire que un cahier des charges pour une AOC bordelaise ou bourguignonne ou ce que tu veux en France, c'est un bouquin de 500 pages où le vigneron doit marquer exactement ce qu'il fait tous les jours pendant toute son année de production. Même quand il pisse, il doit le marquer. C'est un blog. Pour rester vulgairement. Surtout s'il pisse dans le vin. C'est vulgairement un blog de Gameblog. C'est exactement la même chose. Oh, Julien Chiesse. Mais par contre, le champagne n'a pas ce genre de législation. D'accord. C'est un peu le Far West de l'alcool, le champagne. Voilà, bon. Mais ça fait aussi partie de cette image qu'on se donne. C'est-à-dire que l'image du champagne partout dans le monde, c'est une image justement super guindée. C'est quelque chose de très cher. Alors qu'en réalité, vu comment c'est fait juste au point de vue des vignerons, mais c'est une arnaque totale. C'est-à-dire que les mecs mettent de l'eau et ils mettent du gaz à l'intérieur. Il y a rien qu'à voir par ce qu'on sert au GBA. Magnifique. Tu as bien raison. Oui. Voilà. C'était un point intéressant. Et c'était un peu un cri du cœur d'Arnaud. C'était le complément juridique. C'était, voilà, champagne. Bah. Vous qui faites du champagne, vous êtes des enculés, vous avez du sang sur les mains et vous le savez très bien. Nous sommes maintenant à la seconde bouteille. J'aimerais savoir ce qu'on boit. Ah oui. Bah, à la seconde bouteille, non. À la seconde bouteille, non. À la seconde cuvée. À la seconde cuvée. C'est pas pareil. Donc à la cinquième bouteille. Ma vessie me dit que c'est pas la première. Nous avons donc fumé la première cuvée. Là, on passe sur tout. On est toujours sur du gamay. J'ai ramené que du gamay et on passe sur une côte rouennaise. Je ne connais pas du tout ça. Un petit peu plus de mâche. Vous allez voir, c'est très très agréable au palais. Une côte rwandaise, non? Ah non. Rouennaise. Alors c'est quoi ça? L'oncle Rouen. Ah! Pour le Rouen! Une côte de Rouen. Rouen en Bourgogne. Très bien. Très bien. Donc... Alors, oui, c'est bon? Ah oui, non, c'est bon. Et alors, la transition entre cette chronique juridique et le second thème. J'avais espéré que les gens avaient oublié ce que j'avais dit. Mais, puisque je peux pas échapper, allons-y. Eh bien, c'est très simple. C'est génial qu'on voyait autrefois à la télévision se peinter la gueule. Maintenant, on n'a plus le droit de le faire. Donc, ça les rend encore plus génial de par le fait que c'est interdit maintenant. Ça les rend génial. Ouais, ça les rend génial, oui. Ça les rend génial, mais je vous emmerde. Avec un S. D'ailleurs, on a eu l'anachronique sur la langue française, et il y a la stavrochronique sur l'enculade de la langue française. Moi, je réinvente la langue, et ça, vous pouvez pas comprendre. Hein, ça, c'est un poisson dessus, forcément. Non, bon, c'est vrai, on peut pas comprendre. Bon, du coup, parlons du génie et de l'alcool. Très bien. Ok. Non, mais oui. Cette transition est magique. Bien sûr, même géniale, elle relève du génie. Et c'est parce que j'ai un peu bu que j'ai du génie, justement. Voilà. Et la transition est faite. T'as parlé de Bukowski, de Gainsbourg. Avant, il y a eu Baudelaire et la paradis artificielle des fleurs du mal. Où il y a Apollinaire, son recueil alcool. Gérard Depardieu. On l'avait oublié. Il est grand. Il est Apollinaire et finalement il parle pas de tant d'alcool que ça, mais on peut. Oui, non, dans son recueil alcool, il parle pas d'alcool. Non, pas tant que ça. Putain, je me suis fait feinter. C'est un recueil préféré, donc voilà. Ouais, ça, c'est la culture Sciences Po, ouais. Ah, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, ça y a-t-il touche la nouille, vraiment un rapport entre le génie et l'alcool? Oh là là, donc, là toute la réserve là. On va commencer à parler du coup de l'alcool et des génies, ou des génies qui boivent de l'alcool, et après on parlera en second temps du génie de l'alcool, ce qui est une petite nuance. Ah oui. Voilà, donc parlons du coup de rapport entre génie et alcool. Bah alors, du coup tu peux peut-être, comment on procède? Est-ce que tu nous parles d'abord de ton génie et l'alcool, ou est-ce qu'on parle des origines au 19e siècle du génie? C'est qui ton génie, Stavro? C'est Bukowski, en fait. C'est Bukowski. Ah, c'est pas celui d'Aladin, plutôt. Cette référence a déjà été utilisée un peu plus tôt dans la J'ai fait un mémoire derrière sur Bukowski, donc c'est brave homme, un auteur américain du 20e siècle, qui fait partie de la Beat Generation, donc c'est un peu, en fait, la c'est génération un peu... de la Beat. Ça devait être fait. Ça, j'ai un peu... ça a déjà été fait, hein, ceci dit. C'est un peu la fin. En gros, il y a eu Kerouac, Burroughs, Ginsberg. Et Kerouac, après, c'est a... pas des biscuits, des palais bretons. Et donc, c'est pas, Jacques c'est la culture Sciences Po, excusez-moi. Donc, Kerouac a écrit sur la route. Ginsberg. Sur la route. Non, pardon. Il a écrit sur la route. Il a écrit sur la route. De Black M. Oh, putain, non, avec Gérard de Palmas, évidemment. Donc, ces écrivains des années 70, cette nuit, qui étaient tout le temps bourrés ou floutés. Bukowski, c'est un peu la fin de ces écrivains-là. C'est les années 70, c'est pas avant? C'est, en fait. C'est pas 50-60, avant. Ouais, c'est plutôt les années 50-60. C'est 50-60 jusqu'à, ouais. jusqu'à 70, ouais, Bukowski d'accord. termine la Beat Generation, du coup. Enfin, il y a encore Selby après, dans les années 80. C'est vrai. C'est précis. Et oui. Donc. Et c'est oui. Exactement. Et donc Bukowski, un auteur allemand après, enfin d'origine allemande mais américain, qui a écrit pas mal de bouquins. En fait, la série par exemple Californication est basée sur sa vie mais en plus glamour parce que c'était un peu plus sale ce qu'il faisait. Bah déjà il était tellement moche. C'est vrai, c'est du coup il est quand même un peu plus classe quoi. Il a une certaine classe Bukowski. Non, il est pas classe beau. Mais il, non, mais il est classe. Même lui il dit qu'il est moche. Ah oui, il le dit tout le temps dans ses bouquins. Bah en fait, il est moche parce que il a eu des pustules sur tout le corps pendant 2 ans qu'ils ont dû cramer pour que ça s'efface. Non mais même lui, comment il se décrit, il dit qu'il est trapu, il est petit, il est carré, il est moche quoi. Très bien. Bon, je trouve plus mais ah voilà. Donc j'ai 2 citations de Bukowski que j'ai traduit moi-même. Alors, en traduction Stavrogin. Wow. Alors, vous dire bientôt c'est bientôt disponible chez Albin Michel du coup, une retraduction de toutes les œuvres de Bukowski par moi-même. Oui, parce qu'on sait depuis la FK5 que toutes les œuvres vont être retraduites tous les 30 ans. À peu près, à peu près. Grâce à J2. Donc, je veux juste ça. En fait, c'est dommage parce qu'en fait, c'est pas maintenant que je dois aller faire les stations. Donc, on va d'accord. parler d'autre chose. Donc, Bukowski, donc Bukowski, bon, on va parler de Bukowski en général, qui, oui, a écrit toute son œuvre est hantée par l'alcool et il fait des poèmes sur l'alcool. Il écrit constamment en étant bourré. En gros, son processus de travail, c'est il rentre du boulot à 18h, son boulot de merde de postier ou dans une usine, il se pointe la gueule avec du Porto ou du vieux vin en écoutant du Brahms. C'est même pas quand on prend du taf, hein. C'est, il se pointe la gueule à toute heure de la journée. Parfois, il va pas au taf et il se pointe la gueule. Ça dépend, quand il avait, oui, bah, tu vas pas prendre Bukowski. Non, mais voilà. Et ça dépend des jours. Ça dépend. Ouais. Mais en gros, Bukowski, c'est un peu, il reprend un petit peu, ce qu'il y avait déjà chez les romantiques, c'est-à-dire, l'idée que, l'alcool permet d'atteindre un état qui fait que dans le lyrique et dans la création, tu peux aller plus loin. Ouais, c'est ça, il explique de supporter l'existence aussi. Oui. C'est que lui, il apporte un côté un peu trash, donc il vient de la Beat Generation, qui fait que il y a un côté très près de la vie, très ouais. il fait du pulp. Il parle de son caca, etc. Oui, voilà. Ouais, il parle de son caca aussi, mais c'est vrai. Ça t'a plu, ça. Il en parle souvent en même temps. Et lui, il explique du coup qu'il se bourre la gueule en écoutant de la musique classique devant sa machine à écrire, et que le lendemain, il relit ses 20 feuilles qu'il a écrit et qu'il fait le tri, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment un génie, parce qu'on était sur génie et alcool? Moi je considère que oui, je suis pas le seul, heureusement. Il a écrit beaucoup de romans, C'est vrai qu'il y a du génie chez Bukowski. Il y a des moments où il est emblématique. On peut dire c'est génial, mais. Et puis même en tant que figure vraiment du génie, enfin, il l'incarne bien, quoi. Après, il y a des... Non, mais après ce que tu dis, G2, c'est un jugement de valeur qu'on pourrait discuter, mais c'est pas le lieu ici pour en parler. Mais je pense qu'il fait partie de ces figures du génie et de l'alcool. Du génie et de l'alcool, ouais, d'accord. Tu penses pas? Bon, non, si, je suis d'accord. Après, sur le terme génie, on peut en parler, mais c'est pas, on s'en fout, quoi. Après, voilà. C'est un truc général des écrivains de la Beat Generation qui disaient que, n'importe quelle substance que tu prennes, que ça soit l'alcool, ou les drogues, parce que c'est l'alcool, Burroughs, par exemple, c'est l'héroïne, voilà. Voilà, c'est ça. Mais attends, tu voulais finir? N'importe quelle substance que tu prennes, quoi? Non, mais n'importe quelle substance que tu prennes, tu les prends pour pouvoir pousser au plus loin la vision que tu peux avoir et en plus de la retranscrire sur le papier. Et c'est vrai que c'est un truc très très américain, des écrivains américains. Surtout au 20e siècle, mais même si après, c'est... Après, il y a eu avant, il y a eu roman et cocaïne avant, etc., mais bon, c'est... Oui. De AGF, ouais, un super roman. Bref, du coup, génie et alcool, voilà, Bukowski, c'est un exemple parmi d'autres. En France, on a Gainsbourg, par exemple. Ouais. On peut en parler longtemps, j'imagine, qu'il y a, on l'a vu, et c'est un peu triste, parce qu'on l'a vu dans sa... Et Jean-Luc Reichmann, hein, l'oublions pas. L'oublions pas, mais on a vu Gainsbourg hanter les plateaux de télé, bourrés et faire des sorties incroyables, et à la fin, c'était un pantin, presque. Mais bon, pour ça, ouais. Voilà. Mais on a vu comment Bukowski aussi. On a vu Bukowski aussi sur les plateaux de télé. Vouloir se faire casser. Chez Apostrophe. Ça en parlait dans sa chronique, ouais. On l'a vu, avec Bernard Pivot. Oui. Où il y a une interview de lui où Il est carrément démoli. Ah oui, mais il s'en va, il titube. Il y a Cavana qui est sur Ina, tu peux voir les images. Mais c'est génial, c'est incroyable. Et il y a comment il s'appelle C'est Cavana donc. Cavana. Ouais. Bukowski, je vais te casser la gueule. Ouais. Bah, en gros tout le monde parle et lui il fait et lui on fait Bukowski ferme ta gueule. Non attends, le mieux c'est qu'il essaie de tripoter la meuf. Les meufs dégueulasses qui a 60 gros cajots du monde. Et lui il est tellement défoncé qu'il essaie de la tripoter. C'est magique. Et le mieux c'est l'Académie française. Du coup tout le monde parle et à un moment il fait I gotta go et il se lève, il prend sa tease et il fait oh wow ça c'est magnifique. Non, on peut dire que c'est quand même pas le moment là où il est génial, c'est à dire que moi je pense que le génie et l'alcool souvent c'est souvent dans les écritures, dans les œuvres, mais c'est pas au moment où ils étaient bourrés que ce n'est pas été vraiment génial, mais justement génial. Mais là on parle de figure et justement mon rapport avec la loin 20 c'est que même ces moments-là qui sont pas forcément géniaux pour nous maintenant, ils le sont presque parce qu'ils sont tellement emblématiques d'une époque qu'on ne peut plus revivre. Bah ça, ouais, mythique c'est le terme. Que forcément, alors, ça sur le, bah, justement, sur cet aspect du génie et de l'alcool et des substances psychotropes, on va dire en général, comme le rappelait Gideon tout à l'heure, ça s'ancre dans le mouvement romantique au 19e siècle. Baudelaire, l'opium, voilà, qui a été beaucoup reconverti avec la marijuana, surtout dans le domaine de la musique. Oui. Comment ça? Parce que t'as énormément de musiciens qui sont connus pour composer exclusivement sous l'influence de l'alcool. Maintenant aujourd'hui, c'est l'alcool, c'est la boue. Le reggae, le rock, notamment tout le mouvement psychédélique est exclusivement fondé là-dessus. Mais donc c'est intéressant parce que ça prend ses racines. Cet aspect de la pop culture prend ses racines dans un truc qui est dans la grande culture du romantisme, notamment tu rappelais J2 Baudelaire. En fait, ça prend ses origines dans des considérations de psychologie et de psychophysiologie. Mmh. Mmh. Où on considère que le rapport au monde est modifié. Enfin, on se rend compte, en fait, que le rapport au monde est complètement modifié. Oui, c'est pas on considère, c'est chimique, en fait. Oui, oui. Est complètement modifié par des substances. Sauf que ça a un traitement scientifique. Dans la psychophysiologie, c'est un traitement scientifique où on comprend pourquoi l'alcool comment l'alcool modifie, en fait, nos sens et notre rapport au monde. Et surtout, ça nous dit des choses sur la psychophysique normale, c'est-à-dire quand t'es dans un état, le fait de prendre des drogues et l'excès que ça implique, on peut à partir des expériences de ce type, on peut faire des retours sur ce que c'est que la normalité. Oui. Et du coup, expliquer. Et du coup, il y a tout un courant en fait. Quand tu prends les surréalistes, etc. Les mecs, Breton, c'était un médecin. Et Breton, il faisait des expériences avec l'alcool et avec les drogues. Ah oui, mais c'est des expériences de dessinateurs beaucoup qui font ça. Par exemple, mais aussi d'écriture. Par exemple, l'écriture automatique. C'est l'idée qu'on va se défoncer, on fait une espèce d'écriture automatique et après on voit quand on est à jeun ce que ça a donné et la différence. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que je disais du coup, le matin il se relie, c'est une expérience sociale, mais c'est intéressant. Mais ça court sur plus d'un siècle en fait. Ça a son origine dans le début du 19e et ça court jusqu'aux années 70 en gros. Et du coup, ce que tu disais sur le côté un peu physique ou en tout cas scientifique, c'est De Quincy qui a écrit Confession d'un fumeur d'opium, c'est un anglais qui du coup lui a expliqué toutes ses prises d'opium et ce que ça lui faisait et pourquoi il le faisait, etc. Et c'est un des premiers, Baudelaire. Tu peux écrire sous opium? Bah oui. On sait que c'était trop violent pour Non, c'est pas si violent que ça. L'opium. Puis lui il le buvait en plus qu'il était malade et ça lui était bien. Tu vois l'opium? Mais l'opium est aujourd'hui, enfin ça dépend de la quantité que tu prends comme toutes les drogues. Mais c'est utilisé aujourd'hui dans les médicaments. Ça m'intéresse pour des expériences personnelles. Comment ça se boit, du coup? Moi, j'ai bien bu de la meth il y a deux semaines. Voilà, Non, rappelons que les substances dangereuses. Rappelons que j'ai pas fait exprès. Utilise le truc des forums. Someone who isn't me. Vas-y, Arnaud. A bu de la meth. Justement, dans votre réflexion, est-ce que le génie vient de la destruction? Parce que faut le rappeler quand même, la surconsommation de ce genre de choses. Rappelons-le, l'alcool est à consommer avec modération. Et il faut boire. Fallait qu'on le dise à un moment. Il faut manger. 5 fruits et légumes par jour. mangerbouger.fr. Est-ce que le génie vient dans la destruction? Parce que ces mecs-là se détruisaient totalement. Bon, là vous parlez de Bukowski et de choses et autres, mais moi par exemple j'ai Antoine Blondin, Frédéric Dard, Renaud aussi qui écrivait, c'est connu, il l'a dit, il a fait des cures de désintox il y en a énormément, mais juste pour revenir sur ces figures là et sur des figures qu'on connaît, est-ce que le génie vient dans la surconsommation et du coup la destruction, parce que c'est la désinhibition. Tu prends, parce que par exemple il y a vous avez parlé d'opium, de choses et autres, mais il y a l'absinthe aussi par exemple. Ah oui. Bah ouais. Dans tout Bah, Rimbaud, Verlaine, voilà, Van Gogh, tout ce courant-là. Bah, Baudelaire aussi. Et Van Gogh, notamment, qui s'est coupé une oreille à cause de ça, ça a été fait pour ça. L'absinthe alors, a été... Baudelaire a écrit un espèce d'essai qui s'appelait Du hashish ou du vin. Alors, non, en fait, c'est dans les paradis artificiels. C'est ça, c'est dans les paradis artificiels, pardon. Et qu'on peut trouver, chez Albin Michel. C'est vrai? Je crois que c'est chez Gélu. Ouais, bon. Ça s'appelle Du hashish ou du vin. Et c'est intéressant parce qu'il fait justement la différence entre l'alcool, du vin et du hashish. Vas-y, si toi. Comparé comme moyen de multiplication de l'identité. Voilà. Et du coup, là, à ce moment-là, il fait vraiment un essai sur l'effet que, pour le génie ou pour le génie littéraire, l'effet que ces drogues ont. Et il compare effectivement le hashish au vin. Ouais. Et il montre que le hashish, c'est assez sympa au début. Enfin, en gros, inconsciemment, ouais. Il le dit mieux que moi. Pourtant c'est difficile. Hein. Ouais, c'est vrai. Pas grave, continue. On va comprendre. Merci. Mais en fait, sa conclusion c'est quand même de dire que le vin c'est mieux que le hashish parce que socialement ça tu restes alerte. Alors qu'il a dit exactement pareil dans une interview d'ailleurs. Ouais, mais il reprend de l'air. Alors que le hashish a tendance quand même à te rendre un peu parano, et du coup au niveau social c'est pas terrible et même pour l'écriture elle-même ça prend moins alerte. Et si on lit totalement les paradis artificiels. Donc c'est une partie des fleurs du mal si je ne m'abuse. Non pas du tout. Non, c'est les paradis artificiels. Tu t'abuses beaucoup. Je m'abuse. Non, c'est comme ton grand père quand t'avais 4 ans. Wow. Du coup on n'en parlait pas. Trop loin. Alors Baudelaire, poète du 19e siècle, a écrit un recueil de poésie ultra célèbre qui s'appelle Les fleurs du mal, et il a écrit un autre opuscule qui s'appelle Paradis artificiel. Mais je le savais ça. Je le savais. Oui. Voilà. Et facile. En fait, il essaie de montrer que le vin et le hashish ont une utilité poétique. Il t'aide à créer, mais si tu lis totalement, il te montre que en fait le vrai poète, il a pas besoin du vin et du hashish. C'est ça qui est intéressant. Et donc ça répond à la question d'Arnaud, c'est est-ce que t'as besoin des substances. Enfin, ce que montrent ces mecs-là, c'est qu'effectivement, t'as pas, les substances permettent de voir quelque chose, et éventuellement de supporter le fait que tu le vois. Ouais. C'est pas vraiment ça qui fait le génie si tu veux. Après il y a aussi l'idée que Rimbaud avait plus je crois d'aller jusqu'à tes limites pour pouvoir en revenir et en parler, vivre plus. Mais alors je vais faire une toute petite aparté très littéraire sur la poésie. Moi je vais pisser alors. va faire la place pour un verre de vin. Petite aparté, c'est ce qu'on appelle ce qu'on pourrait appeler le mythe d'Orphée, c'est le mec qui revient des enfers, qui a vu l'au-delà et qui revient pour en parler. Et donc le hashish et surtout l'alcool, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, c'est une question de voir les limites du corps. Et alors dans toutes les tribus, beaucoup de tribus utilisent en fait le vin et l'alcool et les substances le chanvre indien. Voilà, dans les substances de la paix. On va dire les substances picostrophes. Le vin tape un peu quand même. Ça se sent pas quand on parle. Pour faire des expériences religieuses. Des expériences religieuses. Voilà. Bon, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 50, 60, 70, c'est repris avec Bukowski. Eh bien, entre autres. Justement, j'ai une citation de Bukowski, donc traduite par Savoyguet. Ça va mieux. Boire, c'est quelque chose d'émotionnel. Ça te secoue jusqu'à te sortir de l'homogène de la vie quotidienne, de toutes ces choses qui sont les mêmes. Ça t'arrache hors de ton corps, hors de ton esprit, et ça te lance contre le mur. J'ai l'impression que boire est une forme de suicide, où il nous a ensuite permis de revenir à la vie, de tout recommencer le jour d'après. C'est comme se tuer, et ensuite tu renais. Tu penses avoir vécu environ 10 ou 15 000 vies à ce jour. Ah, c'est beau. C'est triste, mais c'est beau. C'est beau ce que j'ai bien traduit. Et du coup, ça vient de ce qu'on disait avant, justement, de voir ses limites et en revenir Orphée, etc. Voilà. Là, c'était bien placé. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'idée que ce qui intéresse les gens, les génies ou les gens qui boivent dans l'alcool, c'est pas tant le vin lui-même, mais c'est comme le dit Gabin dans cette phrase du Saint Jean d'Hiver, c'est ce qui manque, ce qui me manquerait, ça serait pas l'alcool, mais l'ivresse. Mais ça, ce qui est important, effectivement. Là, on va peut-être y revenir. Laisse-le finir sa phrase. Non, l'ivresse, c'est intéressant. Laisse-le finir sa phrase. Oui, mais justement, je l'introduis. Pour une fois qu'il parle. Oui, merde. Tu vas m'introduire. Mais tu as raison ce que je dis, parce c'est que, ouais. Et c'est cette idée-là, quoi. C'était dit que. Répète l'idée. Ce qui est important, c'est pas de boire, effectivement, mais c'est ce que ça produit. Et donc, les effets, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait une partie sur le génie et l'alcool, parce qu'il y a les génies qui boivent de l'alcool et le génie de l'alcool en lui-même et du coup de l'ivresse. Et un Saint Jean d'Hiver, c'est un magnifique exemple de ça. On peut en parler si vous voulez maintenant. Alors, est-ce que vous pouvez faire un petit topo sur qui est... Alors, un Saint Jean d'Hiver, c'est un film des années 1960. Ouais. Dialogué par Rodiard, basé sur un roman de Blondin, dont Arnaud parlait, avec en acteurs principaux... 1962, pour information. Acteurs principaux, Jean Gabin et Belmondo. Encore une belle tête d'affiche. Ou en gros. L'époque où Belmondo jouait bien. Gabin incarne un ex-fusilier marin qui était stationné en Chine. Albert Quentin, qui maintenant habite à Tigreville. Et qui a arrêté de boire depuis. Non, au début il boit justement. Et quand il boit, il se rappelle la Chine. Et il a des envolées lyriques magnifiques où il parle de. Quand il boit, il se rappelle la Chine. C'est beau. Et non, mais c'est ça. Ah ouais, c'est magnifique. Il boit pour le dire. Est-ce que ceux qui boivent dans le 13e se rappellent la Chine? Ils ont pas besoin de s'en rappeler sur le 13e. Je suis pas assez raciste. Il boit pour voyager. Boire, c'est un voyage pour lui. Et après, il arrête de boire. Et, Belmondo arrive. Et lui, il fait pareil. Il boit pour voyager. Mais lui, il va en Espagne. Et du coup, Belmondo force Gabin à reboire et du coup ils voyagent tous les deux et l'alcool est vraiment une façon de se déplacer, de voir plus, de sortir du quotidien. Et ils font même une distinction entre les seigneurs de la cuite. J'ai la citation. Il est sur le marché, il y a un mec qui lui dit nous autres on est encore capable de tenir le lit sans se prendre pour le dieu le père. Et Gabin lui répond mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquine. Au fond vous méritez pas de boire. Tu te demandes pourquoi est-ce qu'il picole l'espagnol? C'est pour ici oublier des pignots comme. Voilà, c'est les seigneurs de la cuite qui voyagent. Alors, je voudrais faire une toute petite aparté sur la citation que tu viens de faire, justement. Il y a un aspect qui est attaché à l'alcool de ce que je parlais tout à l'heure dans l'anachronique, de la langue poissarde. Un peu la langue authentique. Ah oui, la langue d'Audiard, en l'occurrence. Bah oui, voilà. Et de Céline. Et justement, je pense que l'idée que l'alcool arrive comme ça dans une langue précise, c'est une certaine, tu vois, c'est un certain rapport à l'alcool. Ça c'est lié quand même au côté populaire de l'alcool qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les gens ont des mots pour désigner la tise et ce que je trouve intéressant avec Gabin c'est que justement il fait une distinction entre ceux qui boivent qui boivent un petit peu genre les bois sans soif, les mecs du PMU dont on parlait en première partie et les mecs qui sont vraiment des vrais seigneurs de la cuite comme tu disais et qui boivent où l'alcool est un voyage et une esthétique délivresse. Justement, est-ce que Audiard était pas un génie là-dessus parce que il retranscrivait parfaitement ces génies du comptoir où les mecs étaient tellement imbibés au coin des bars que lui il avait il restait pendant des heures dans les bars pour juste noter les petites phrases qu'avaient ces mecs-là et après il les retranscrivait sur ses dialogues. Pure retranscription, tu vois ce que je veux dire, c'est que non, à mon avis c'est pas une pure, enfin le génie c'est aussi la langue d'Audiard, c'est le mec qui réussit à replacer dans un film parce que c'est quand même deux films. Tout d'un coup un mec qui est génial comme c'est pas le commun des mortels comme Vadé dont je parlais tout à l'heure au 18e siècle qui retranscrit la langue des Halles, mais il y a un effort poétique. Ouais. Stavro est perdu. Stavro mange une tartine. Voilà. Une tartanche. Laissez-le tranquille. Stavro a beaucoup bu. Non mais Audiard avait justement cette magie des mots je pense des mecs qui ne buvaient pas et n'avaient pas cette ivresse particulière du vin en l'occurrence. On en revient à l'alcool et le génie du coup. Ouais, voilà. Enfin, les films dialogués par Audiard, que ça soit là c'est Verneuil, mais après quand c'était Lautner ou des choses comme pour ça. Pour les Tontons Flingueurs, etc. La trilogie. C'était magique en termes d'écrit, c'était exceptionnel. Et je pense que il y a les deux en fait. T'as d'un côté en effet le mec qui s'inspire des alcooliques pour pouvoir donner quelque chose aux gens de langue de leur donner, une matière. La matière, on va dire, alcoolisée. Et puis, t'as aussi son génie propre à lui, qui fait qu'il a quand même une maîtrise des mots, et qui transcende un peu aussi le simple fait, la simple discussion de comptoir. Tu prends en parallèle, justement, les brèves de comptoir. Alors, je sais plus qui écrit... C'est assez vieux, ça. C'est Pierre Dac. Pierre Dac, voilà. Ça fait des années que ça existe. Lui, il est fait, justement, comme ça, où il retranscrit ce qu'il entend proprement dit. Enfin, il ne change rien. T'es sûr qu'il change rien du tout? Non, il ne change rien. Parce que moi c'est pareil, pour en avoir entendu, pour avoir travaillé dans des bistrots, des choses comme ça, les mecs des fois qui sont imbibés, qui arrivent à 7h le matin, qui prennent leur petit blanc, ils te sortent des phrases mais tu peux pas l'écrire, tu peux pas les réfléchir comme ça. Et c'est pas particulièrement faire l'apologie de l'alcoolisme ou du génie, mais je pense que ça transcende à la fois l'écrit et surtout les paroles. Tu parles pas de la même manière quand t'es enivré que quand t'es sobre. C'est différent. Quand t'es sobre, t'as toujours ce petit côté. Tiens, je vais quand même filtrer une partie de mes paroles que tu n'as pas quand tu es plus ou moins enivré. autant la plupart du temps tu peux dire de la merde, autant parfois chez certains ça peut friser au génie quoi. Enfin c'est très impressionnant. Il y a cette idée qu'il y a un esprit de l'alcool. C'est enfin je pense dans les cultures un peu, enfin tu trouves ça un peu dans un esprit spiritueux du coup. Mais voilà, c'est ça. Non mais le spiritueux ça vient de là, c'est-à-dire que ça te donne de l'esprit. Et l'idée qu'à partir du moment où tu prends une substance, ça va te donner de l'esprit. Et je pense que ça c'est assez ancestral dans la culture quoi. Le terme spiritueux, ça vient de là quoi. Tu n'étais pas d'accord, Steven? Non, je pense que, bah, justement, c'est ce qu'on a montré avec Baudelaire, c'est que peut-être que le génie n'a pas besoin de l'alcool. Et, bah, je pense que pour devenir institutionnel, il en a besoin. Il n'en a pas besoin, mais qu'il y a quelque chose qui s'exprime dans la culture populaire avec l'alcool. Du coup, la réflexion est différente, c'est ouais. Est-ce que, quelqu'un de lambda peut devenir un génie en buvant? État de conscience, il le rend systématiquement. C'est ça le truc, c'est l'écrivain voilà. Le rend systématiquement. Une bonne question d'art. Un écrivain génial, qui boive ou qui ne boive pas, peu importe, de toute façon, il est génial. Est-ce que justement quelqu'un de lambda, un pilier de bistrot, peut devenir génial du fait de son ivresse? Non, c'est pas du fait que tu boives que tu deviens génial. Moi, je pense pas. Mais il peut avoir peut-être des moments où ce qu'il dit est beau comme Audiard, par exemple. Voilà, moi, je pense que voilà. C'est ça surtout. Bah, ouais, des éclats du coup grâce à l'alcool, peut-être. Ouais. Non mais c'était intéressant parce que bah, du coup on a parlé en même temps donc on a pas eu JD, tu peux reprendre ce que t'étais oui c'est en train l'idée de dire. Que c'est si que en fait c'est sporadique. Ouais, c'est sporadique chez le pilier de comptoir et le génie finalement de l'écrivain c'est de le rendre systématique. Voilà, c'est cette idée là c'est que tout d'un coup c'est il un leur état fait... auquel tu sais que tu peux accéder ouais. Mais auquel tu te permets d'accéder en utilisant les substances psychotropes voilà et l'alcool quoi ouais. Très bien. Bah voilà, bon. Est-ce que on passe à un petit quiz, par exemple? Ah, j'avoue que là, ça serait bien. Ce serait bien. Bien amené. Bienvenue. On vient d'ouvrir la 5e bouteille, on est bon. Donc, c'est le moment de faire un. Il en reste deux? Il en reste deux, ouais. Putain, mais j'en peux plus, là. J'en peux plus. La journée de rare risque d'être intéressante. Ah, mais je me lève à 5h. Hey, monsieur. Ouais? Quoi? Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu veux? Je vais vous poser une question, si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Stop, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Mon émission passe tous les soirs à 18h35, je pose des questions à des champions, je suis... Tu es Julien Lepers, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis Julien Lepers. Bien. Alors, du coup, c'est l'heure du quiz, parce qu'on a tous bien bu. Donc c'est un quiz où j'ai vu grand, j'ai été ambitieux. Vous n'allez pas en revenir, mes amis. On va faire deux équipes. Alors, puisque je suis un peu au milieu, il y aura Zassa et Steven. Ouais. Allez. Contre Arnaud et JD. Allez. JD. Donc, c'est un quiz où il y a 20 questions divisées en 3 sous-quiz. Vous allez voir, c'est très simple. Ça me prend la tête. La première partie. Oula. Le cancer est parmi nous. 6e invité du podcast. Donc, Jeanne Moreau, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, première partie de ce quiz, la réponse contient forcément, enfin, contient plus ou moins, hein, ouais. Demi ou putain, pinte. Mais c'est toujours ça, quoi. Alors, attends, on va poser les règles classe. Tout de suite. Est-ce qu'il faut d'abord donner son pseudo avant faut donner le nom de l'équipe. Alors, d'accord. Est-ce que vous avez des noms d'équipe que vous aimeriez prendre? Zassa, t'as une idée? Non. Apparemment, non. Enfin, il a vraiment Galette. Non, équipe Galette. Team vin blanc contre team vin rouge. Ah ouais, bah, on est les vins rouges. Allez, on est les vins blancs. Galette. Alors, qui note les points? Allez. Mais on est quoi du coup? J'ai un PC, je vais le faire. On est team quoi? Donc vous êtes les. Alors il y a les vins rouges contre les vins blancs. Putain. Donc rouge contre blanc. Alors vous êtes prêts? Donc plus ou moins pinte ou plus ou moins demi, forcément contenu dans la réponse. Donc petite blague, les réponses sont forcément de l'alcool. C'est rigolo. attention, vous êtes prêts? C'est chaud. Allez. J'ai pas compris. Donc vous dites rouge ou blanc pour votre équipe. Oui. Tout à fait. Et plus ou moins pinte, plus ou moins demi. D'accord. Voilà dans la réponse. Un acteur sex-symbole qui joue dans Ghostbusters dans Fight Club. Brad Pitt. Brad Pitt. Allez. Bah, fallait dire rouge. Hein. Fallait dire rouge, rouge, Brad Pitt, voilà. Au pire, on le dit c'est pas, chaud, ouais. C'est pas grave. Au pire, on dit pas rouge. On sait. Donc, bonne réponse de Zassa, Brad Pitt. Une actrice connue pour son rôle dans Ghost et qui partage son famille avec Demi Roger. Blanc, Demi-Moore. Demi-Moore, voilà. Faut pas hésiter, tu vois. Ah, oui, oui, c'était ça. Putain. Demi-Moore. C'est déjà serré, là. Un partout. Le mieux c'est que vous laissiez finir les questions. Pas de mère challenge ou de mère serrée? Non, mère serrée. D'accord. On laisse ta ronde terminer la question. Parce que... Voilà. Un endroit où les militaires se rencontrent et font les mecs sérieux quand il n'y a pas des avions qui s'y écrasent. Le Pentagone. Oh, c'est beau gosse. Deux pour les rouges, un pour les blancs. On continue. Un chanteur qui, quand il t'aime, a l'impression d'être un roi. Tu pourrais répéter la question? Quand il quoi? Un chanteur qui, quand il t'aime, a la pression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, putain. Le seul homme sur la terre. Il est très poli. Demi-sourceau! Oh, c'est bon, là! Il y a un déco, là! Il y a un déco, là! L'arbitre, et je décide qu'il y a point pour J2. Oui. Oh, c'est dégueulasse. Voilà. C'est dégueu. Quels sont les scores? Attends, je vais toucher un peu la bite pendant le quiz. 2-2. Il y a 2-2. Égalité parfaite à ce stade du match. Merci Jean-Michel. On ne commence pas. On vous rappelle que vous commentez toujours les sorties du Dia, hein, toutes les deux semaines. on continue donc. C'est un peu l'étoile de David pour les métalleux, le sataniste. Le pentagone. Non, le pentacle. Le pentagone. Le pentagone. Le pentagone. Le pentagone. Pentacle. Alors, il y a eu un problème. Une faille temporelle. La question 2 a été répondue. Du coup, je sais pas qui a répondu, mais je crois que c'est les blancs. Non, je crois que c'est ça a répondu. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a eu pentagone. Pentagone, pentagramme. Je donne le point à Arnaud, ce brave homme. Voilà. Allez, il y a de la suce dans l'air. Pentagone, pentagramme. En même temps, vu tout ce qu'il a ramené, on peut bien le donner. Mais pentagramme, c'est pas valable. Non, c'est pareil, je m'en fous, je sais pas. T'as perdu, c'est bon. Voilà. Putain. C'est à peu près le titre d'Am James Bond avec Pierce Brosnan et Sophie Marceau. C'est à peu près. Demi ne meurt jamais. Oui! Oh, non, demi ne meurt jamais. C'est dégueulasse. Donc 4-2, c'est ça? 4-2. Non, 3. Non. Il commence à 4-2. Comment même te gratter des points? C'est moi qui marque les points. Oui, tu veux. J'en ai marqué un, t'en as marqué un, mais ferme-la. Oui, bah ça fait 2. Ok. Culture Sciences Po, on rappelle évidemment. Gratuit. On continue. Un site de photos que personne n'utilise jamais mais qui existe encore. Pas d'accueil. Pinstagram. Pinstagram. Non. Ouais, non. Pinterest. Oui. Oh, c'est bon. Il y avait Pinterest. Bravo. Ouais, c'est vrai. Pinterest. Ouais, mais Pinterest, c'est ça, mais ça. Pinterest, c'était beau. Ça a jamais marché, quoi. On continue pendant que je bois du vin. C'est une petite tête blonde qui faisait plein de bêtises il y a encore... 2000 à malice. Oui. Putain, il est chaud. On a dit qu'on laissait terminer les questions. Oui, mais... Non, c'est beau, ça. Mais ta gueule, ils sont pas mauvais joueurs. Oh là là. Mais pas ton Julien Lepers, ça. Bravo. Hein. Ça, c'est une phrase qu'on entend souvent en société. Arrête de faire ton Julien Lepers. Donc il y a combien? 5-2, non? 6-2? 5-3. 5-3, bon allez. Allez, on la tient. Allez, les rouges. Il y a 20 questions, c'est ça? Ouais, on a le temps de s'entendre. Oh putain, laisse tomber. Il y a 20 questions. Non, mais pas le mec, quoi. Pas toutes comme ça. C'est un mec qui éteint des flambeaux, parle de football et dit 3, 2, 1. Demi-brognard! Demi-brognard! Demi-brognard! T'as mis demi-brognard. Oui, mais c'est demi-brognard. Non. Steven a le point. Voilà. Ah non, c'est pas juste, c'est bon. C'est moche. Quand on rajoute des S, c'est moche. Mais il s'appelle Denis. Enfin, Steven est américain, on l'oublie un peu. C'est ça, c'est la Steven, déjà. C'est Denis. Voilà. 5-4? 5-4. On est chaud. Oh putain, merde. On revient. Attends, dernière question de ce mini quiz, après il y en aura d'autres. C'est le nom d'un jeu sorti sur Super Nintendo, avec le plombier le plus célèbre du monde entier. Le plombier le plus célèbre du monde entier. Oui. Et aussi l'activité principale du dit plombier, quand il ne saute pas partout pour sauter des princesses. Donc c'est un jeu, voilà, donc dedans il y a demi au peintre. Donc, un jeu sur Super Nintendo avec Mario. Non mais déjà quand t'expliques la question, c'est qu'elle est pas bonne. Je te dis tout de suite, hein. Et je pense que je connaissais pas le jeu, donc peut-être du coup ça marche pas. C'est aussi le nom d'un logiciel. Mario, Mario Paint Bros. Bah, l'alcool fait des ravages. Non mais c'est Mario Paint, parce que c'est Mario Paint, voilà, sorti sur Super Nintendo. Ah oui, bah personne n'a le point. Alors un point pour Stavro. Allez, pour je question dans la course. Non mais vous avez pas Mario Paint, c'est pas de ma faute. Personne ne le connaît. Alors là du coup on entre dans la partie compliquée du quiz, là où j'ai voulu tenter des choses. Je voulais parce que là c'était facile. Là c'était classique. Bah oui. Alors toutes les réponses contiennent forcément un nom d'alcool mais pas de marque. Oh là là. Donc vous donnez n'importe quel nom d'alcool pour répondre dans la question que je vais vous donner. D'accord. Il faut juste l'alcool. Par exemple, vous savez, gin, tequila. Ouais, mais non, mais par exemple, c'est un nom, tu dis quelque chose qu'on peut porter et tu me dis un gin. Ça marche. D'accord. Ou alors tu vois, c'est juste un nom d'alcool. Non, parce que faut que ça soit un nom et un mot, c'est encore un d'accord. Mot, ah oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quelque chose où on peut mettre des choses dedans, un vodka. Parce que un cabas, est-ce un cabas. Qu'il y a une prime à l'humour ou est-ce que c'est exactement les réponses que tu as? Il y a une prime à l'humour. Il y a une prime à l'humour. Okay. D'accord. Putain, c'est chaud. Ça va être de la merde. Un sport super marrant. Avec des noms d'alcool, du coup. Le gin tonic. C'est pas un sport. Bah, la gin tonic. C'est pas, c'est pas la gym. Bah si. Non, non. La gym suédoise. La gym suédoise, ça existe. La gymnastique. Ah, la gymnastique. La gymnastique, d'accord. Correct. Moi, j'avais whisky nautique. Ou tequila, ou tequila cross. Mais je me mets un point, là. Oui, tu te mets un point. Donc, quels sont les scores, Steven? 5-5. Oh, c'est chaud. Oh là là là. Une égalité parfaite. On allez, j'ai deux, allez. Un truc qu'on peut acheter à son ou sa petite amie. Un jean? Ben forcément un jean, mais bon, c'est voilà. Et, bon bah un jean. Il y a aussi un porte-manteau. Putain. Moi je, ouais, je mets un point, c'est moche. Bah ben, c'est moche, mais bon hein. Ouais. C'est... Quelqu'un de célèbre. Jean Manson. Non, bon, non, pas de jean. Allez, pas de jean. Les règles américaines. Ah oui, très. Non, je sais pas. Ah putain. Vous avez tous les Vin Diesel. Vin Diesel. Ah oui. Ah bien, bien. Pas mal. Aussi, c'est Jérôme. votre cabale ou la bébière. Voilà. Vous n'êtes pas très fort. Hein. Ouais, donc c'est plus ou moins un nom d'alcool. Oui. Oui, d'accord. Un métier relou. Plombière. Oh. Oh, oh joli. J'y avais pas pensé, j'accepte. Plombière. Pas mal. Moi j'avais tequila bourreur, mais plombière c'est bien aussi quand même. Et enfin dernière question de ce petit mini quiz. Un truc sympa à faire entre amis. Tequila bourré? Non, c'est... Un tequila pog! Whisky! Whisky, je veux au whisky. Ah, je veux au whisky! Ça passe! Je veux au whisky, ça passe! Moi, j'avais, donc, oui, je veux au whisky. Quels sont les scores? 7-7? Putain! Putain! C'est incroyable! C'est moi, j'avais aussi un vote karaoké. Écouter du dog Gineco. Ou encore jouer un jeu sur CD-ROM. Voilà. Donc plein de possibilités. Donc enfin dernière partie de ce quiz. Beaucoup trop d'humour. Dernière partie de ce quiz. La partie la peut-être la plus triste. Ah ouais. Et pourtant. Quelle montagne. Je vais boire un peu de vin pour la faire celle-ci parce que. Allez, nous aussi. Alors, je vais chanter bourré. Vous allez devoir deviner ce que je chante. Oh la vache. Ah merde. Oh, genre de nanana. Ah, mais toi, tu vois les réponses! Mais tellement pas. Depuis tout à l'heure! Non, mais sinon, j'aurais 15, j'aurais pas 7. Il est con. Allez, on commence. Première, vous devez donner Attends, il y a un nom d'alcool dedans? Non, je chante bourré. La chanson, l'interprète. Un blind test bourré. D'accord. Attention. C'est tellement triste. Vous trouvez pas? Dit-il complètement surpris. Alors, quoi les gars, merde. C'est quand même super facile. C'était Lonely Dead de System of a Down. Quoi? C'était Lonely Dead de System of a Down. Ah ouais, d'accord. Nanana. C'était un même bourré, tu la chantes pareil. On va se prendre un procès. Alors on continue. Attends, il y a combien de questions comme ça? 5. Ah merde. Il y a 7-7. Il reste 4 questions. Ouais, vous pouvez passer dans le podcast, hein, c'est pas gênant. Mais vive les gros nichons dans le. Oui. Oh wow. Culture Sciences Po à grand. Vive les gros nichons. Les pierres de Saint comme des ballons. Bravo. Oh putain. Donc 8-7 pour les rouges. Ouais, c'est très loin. Putain, c'est grand chose, ça. Materville de l'alcool, c'est magnifique. Allez, je continue. Oh, vache. Je vais boire un peu. Arrête de boire. Non, un peu. Tu devrais. Elle a réécoute, ça va être dur. Allez, avant-dernière. On y est presque. Les gens qui nous écoutent. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je vous embrasse tous. Alors. Nanana. Eh, mais c'est ce qui est plus beau! Oh! Égalité. Il y a un point chacun. Non! Non, je l'ai dit d'abord. Non. En plus, il a insisté sur le fait qu'il l'avait en tête toute la journée. Donc là, en fait, si vous gagnez pas, si vous gagnez ce point, il y a égalité. Et sinon, on a gagné. De toute façon, on vous écarte l'anus de façon relativement agréable. Non, mais c'est... Celui qui nous écarte l'anus le plus, c'est Stavro, quand même. Ouais, parce que là, c'est vrai, c'est vrai. Donc, dernière interprétation musicale. Putain. Dernier hommage à la musique. Faut qu'on gagne. Le deuxième art. Je sais pas du tout. Je crois que là, c'est le 19ème, là, avec celui-ci. Allez. Nanana. Nanana. C'est la merguez partie! Oh oui! Ah oui! Oui! Oui! Non, en même temps, on quel audimat. En même temps, la audimat, c'est vrai. Un point. Bon, donc, quel est le question bonus? Il faut une question de partager. On peut pas rester sur une égalité. Donc, c'est égalité, là? Ouais, 9. Mais attends, vous avez vu que j'ai une chanson? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais appel de quoi? Ben, je fais appel de cette décision. Bravo. Arbitraire. On a gagné. Alors, les jeux, j'ai deux. Les blancs ont gagné. Eh ouais. Moi, je sais qu'on a gagné. Comme toujours. Moi, j'ai envie de le dire, comme toujours. Non, tu ne mérites pas cette couronne, Zaza. Non, j'ai gagné. Tu n'as pas gagné. Tu n'as rien gagné du tout. Donc, Zaza a volé une couronne Burger King qui trônait chez moi. La différence entre Passepartout et Fort Boyard, monsieur, est très très grande. Et vous, c'est même 1m40 de Fort Boyard. Acceptons cette injustice, puisque de toute façon, nous sommes au-dessus de ça. C'est ça. Si on suit la jurisprudence de 82, ça aurait jamais dû se passer comme ça. Ça, c'est un discours de perdant, mais alors. Non, mais c'est très bien. Mais après 2 heures d'émission, où en sommes-nous, Star Wars? Loin, on est loin. Nous en sommes déjà plus très fiers. Nous sommes. C'est là que nous sommes. Ça, c'est vrai. Et nous arrivons sur le dernier, dernière ligne droite de l'émission. Voilà, merci. J'ai la couronne du Burger King. Je suis le roi de l'émission. Sur le troisième. Non mais c'est la... Alors Jean-Daniel, la vie Patrick, ce n'est pas maintenant. Ah bon, pardon, bah j'ai préparé. C'est à la fin de l'émission. On a parlé de l'alcool populaire, l'alcool guindé. On a parlé du génie que pouvait avoir l'alcool éventuellement. On va parler maintenant du côté un peu moins glorieux de l'alcool, l'alcoolisme. Et la façon dont il est représenté dans certains films ou certaines œuvres. Certains podcasts comme ici. Exactement, on pourra en parler. Donc du coup, c'est plus vraiment le côté clinquant ou le côté glorieux de l'alcool, c'est vraiment l'alcool en tant que maladie. Clinquant, en tant que... C'est dans Star Trek, non, avec quelqu'un. Mais vraiment l'alcool en tant que fardeau qu'on doit porter et que nécessité, quoi. Qui n'a plus vraiment de rien de rigolo ou d'amusant ou de cool. Donc, on parle de l'alcoolisme. L'alcoolisme dans la pop culture, pas l'alcoolisme comme ça. Alors oui, l'alcoolisme. Bon, moi, non, ça... mais ce qui est intéressant déjà dans la pop culture, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de quand on prend les détectives, etc. Il y a beaucoup de. Ah, le film noir. Et je pense que c'est une figure très très très très prégnante dans la culture populaire, quoi. Genre le flic alcoolique, c'est quelque chose qui est très connu. Enfin, mais souvent, c'est un gadget. Genre, il est alcoolique pour le style, mais ça le gêne jamais. Parce que Derrick, il est alcoolique. Non, il est nazi. C'est vrai. Oui. Ah bah oui. J'ai jamais regardé. Regarde, c'est comme James Bond. Tu regardes le fait, il est alcoolique, mais en vrai, il l'est pas. Les films noirs, c'est pareil. Ils boivent tout le temps, mais ça les dérange jamais. C'est pas une maladie pour eux. Bah, ça dépend. Il y a souvent par exemple, dans les séries ou même certains films qui mettent en jeu un alcoolique, t'as toujours une scène où son alcoolisme revient en force, quoi. Je sais pas, je pense à, je sais pas. Bah, tu veux pas parler de Max Payne, toi? Oui, on va un peu parler. Non, mais déjà, l'alcoolisme, en général, comme c'est traité dans la pop culture, il y a deux faces, encore une fois. C'est soit c'est vraiment triste, soit c'est rigolo. Quand est-ce qu'il y a de l'alcoolisme rigolo? J'ai trois idées. Ouais. Attends. Il a trois idées. J'en ai qu'une, donc je ferme ma gueule. C'est comme ça que ça marche. C'est comme le quiz. Moi, t'as de points, moi, tu parles. Putain, c'est scandaleux. Arrêtez de voler mes clans. Alors, j'ai trois références. j'ai Bender dans Futurama. Oh, très belle référence. Très belle. Qui est un alcoolique rigolo. Mais c'est un robot. C'est un robot, mais il est un robot alcoolique. Un robot. Il peut pas fonctionner sans alcool. Voilà, c'est ça. C'est une belle métaphore. C'est une très belle métaphore. Il rouille s'il boit pas d'alcool. Ouais. Il y a aussi. Ouais, c'est vrai. Ce qui défie complètement tout le monde. Ce qui n'a aucun sens. Non. Il y a aussi Roger dans American Dad, l'extraterrestre d'American Dad, qui est alcoolique. Ouais. Mais c'est vrai, il ouvre même un bar à un moment dans sa propre maison. Ouais, c'est vrai. Bah donc plusieurs fois même. Ah bon? Ouais. J'ai pas tout vu. Au moins deux fois. J'ai pas tout vu. Et il y a comment il s'appelle? Barney dans Les Simpsons. Voilà. Donc ouais, Barney, mais qui? Ouais, enfin ouais. Alors il est à la limite du triste et du rigolo, Barney. Ouais. Non. Ouais, mais c'est. Enfin ouais. En fait, Barney, il est plus à la limite du génie presque parce que. Du génie Barney dans Les Simpsons. Mais ouais, parce qu'il se défend contre nous. Parce qu'il a il a des phrases et des théories sur la vie qui sont absolument géniales. C'est vrai. Souvent l'alcoolique c'est le mec de la fulgurance quoi dans les séries. En l'occurrence dans Les Simpsons, le vrai alcoolique c'est Homer. Le vif. Je sais pas, non, parce que. Lui, c'est l'alcoolique bière, quoi. Parce que, ouais, Barney ne fonctionne que bourré. Et il y a des épisodes. Non, mais non. Il y a des épisodes qui fonctionnent là-dessus. Où quand il est pas bourré, c'est un autre homme. Il est en costard, il a un travail. Ouais, mais ça, c'est parce qu'ils l'ont changé au fur et à mesure des saisons. Au début, c'est avec l'intelligence. Mais c'est un puriste des Simpsons de Arnaud, ça rigole pas. Non, je suis pas un puriste, mais. Non, mais vas-y. C'est juste que, arrive un moment, dans les scénarios, les scénaristes se sont dit Barney, on va le rendre sobre. Ouais. Et on va montrer la face totalement inverse de ce qu'il avait, l'espèce de poivreau. C'était même plus un poivreau qui était rigolo, c'était un mec qui était triste parce que le mec passait sa vie dans les caniveaux. Ouais, enfin c'était il passait sa vie chez Gémeaux plus quoi. C'est très triste aussi. Voilà, bon. Il y en a aussi, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, non, mais Barney, quand Barney change, quand il arrête de boire, on se rend compte qu'il a de l'argent, que c'est pas un clodo, qu'il est, en costard, il a une voiture, il a une vie, en dehors de l'alcool, mais l'alcool le fait retomber. Mais il a un côté rigolo quand même, Barney, non? Bah, il a un côté comique, ouais. Enfin, bon, après, c'est les Simpsons. Quel personnage a pas de côté comique dans les Simpsons? C'est vrai. C'est un ressort de la comédie des Simpsons, non? Ouais, ça faisait partie de ces ressorts-là, mais enfin, moi je pense que justement le côté alcoolique c'est plus Homer, c'est vraiment le mec qui son principal Homer, c'est l'alcool, la bière, c'est l'alcool populaire. Il arrive chez lui, il ouvre une bière, quoi. Il est aussi bourré. Il est bourré tout le temps. On ne dérive pas parce que sinon on va retomber sur le débat. Ouais. En l'occurrence, Homer, c'est vraiment le côté Bender des Simpsons. C'est-à-dire que c'est exactement le même mec. C'est-à-dire que s'il boit pas, il ne fonctionne pas. Le Bender des Simpsons. En plus, les deux, c'est Matt Groening, donc on peut comparer. Bah oui, c'est pour à ça. Mon avis, c'est Mo, le Bender des Simpsons. Mais bon. Non, Mo boit pas. Dans Dimanche 8, on fera pas sur les Simpsons. Voilà. Ce serait une très belle FK sur les Simpsons. Ça serait. J'avoue que c'est pas une mauvaise idée. Ce qui est intéressant, moi, dans l'alcoolisme, c'est justement. T'as dit ça avec le ton. Faut que ça, moi, dans l'alcoolisme. C'est que je suis bourré. C'est intéressant. Non, ce que je trouve bien, dans l'alcoolisme, c'est, enfin, surtout quand ça touche au détective privé, au truc comme ça, c'est que ça amène à une dimension tragique, en fait. Parce que, en même temps, ça lui permet, surtout dans la figure du détective alcoolique. On en trouve beaucoup. Là, on pourrait parler de Max Payne, du coup. Peut-être, par exemple, mais. Ou Trou des Vives. Ou Trou des Vives, ouais. C'est l'idée que le mec, c'est aussi ce qui lui ramène à la réalité, son alcoolisme, genre au truc de tous les jours et tout. Et c'est aussi ce qui lui permet, ce que je disais tout à l'heure, des fulgurances, c'est-à-dire de trouver tout d'un coup la bonne idée. C'est souvent, c'est autour d'une cuite, tu vois, tout d'un coup il va trouver putain, d'accord. Là, truc, tu crois pas? Tu parles de ce qu'on parlait dans le deuxième axe, le génie et l'alcool, le mythe de l'alcool. Souvent, là, l'alcoolisme. Non, pour l'alcoolisme, c'est vraiment dans, il y a des œuvres de pop culture qui parlent de l'alcoolisme en tant que maladie, où les mecs vont au meeting alcoolique anonyme, où ils galèrent, où ça nique leur vie complètement. Ouais. Et voilà. Justement, est-ce qu'on peut parler de j'ai plus le titre. Moi j'ai un film. Le film qui a été fait avec Cluzet et Dujardin. Le bruit des glaçons. J'adore ce film. Français. On l'a vu ensemble d'ailleurs aussi. Ça justement, c'est l'alcoolisme qui rend malade, qui rend triste. Parce que il en devient pas génial, il en devient malade de cet alcoolisme. Alors dans une autre culture populaire, il y a aussi Debra dans les saisons 6 et 7 de Dexter. Ou c'est une maladie d'être mais ça, pour le coup, c'est une bonne grosse référence de merde, les saisons 6 et 7 de Dexter. Oui, non, mais enfin, c'est sûr, mais peu importe. Dexter, tout court, hein. Si, si, la 6 aussi. Les cavaliers de l'apocalypse, c'est un peu ça. Ouais, bon. Mais ouais. Attends, mais t'as pas fini ce que tu voulais dire, du coup? Si. Si? C'est fini. C'était le bruit des glaçons, et c'était un très bon exemple. Il y a un film que j'ai vu. Belle rampe de lancement. J'ai vu cet après-midi qui est très très bien. On m'appelle le plongeoir. Qui s'appelle Smashed, sorti en 2012. C'est un film indépendant passé à Sundance en 2012 du coup, qui où il y a Aaron Paul dedans et ça parle Aaron Paul. Alors j'ai vu sur Twitter que tu avais un crush pour Aaron Paul. Oui, et... bah évidemment, je suis amoureux d'Aaron Paul et alors je l'ai rencontré. Voilà. Oui, toi, c'est vrai que t'as fait un selfie avec Aaron Paul. Eh ouais, la c'était classe. Super classe. Non mais c'était le pire, c'est que c'était le pire truc de stalker, c'est-à-dire que je suis passé à côté d'un restaurant avec mes parents, on cherchait un restaurant dans le 19e pour dîner et là, genre d'un coup je bloque et je vois une tête genre il était juste en vitrine du resto. Je fais, non, mais putain, c'est Aaron Paul, c'est pas possible. Et je restais comme ça devant le resto à le regarder manger pendant 10 secondes pour être sûr que c'était lui. Et j'ai dit, bon, on va manger là-bas. Je me suis mis à la table à côté de lui, puis je l'ai fixé pendant 1h30. Il s'en est pas rendu compte. Et j'ai attendu le moment où il s'est levé, je me suis jeté sur lui. J'ai pris mon putain de selfie. Gros stalker de merde. Voilà. C'est finalement assez triste quand tu en parles. Ouais, mais donc, c'est Aaron Paul, donc ça va. Et donc ce film avec Aaron Paul parle d'un couple d'alcooliques. Où ils sont très heureux, ils se bourrent la gueule, tout va bien, jusqu'à ce le jour où la fille décide d'arrêter de boire parce que ça lui fait faire des trucs pas très très bien. Et du coup, ça met en péril leur couple, en fait, parce qu'ils arrivent plus à s'entendre sans alcool. Donc voilà, c'est un film, un peu drôle, mais en même temps très, qui fout beaucoup le seum à la fin. Et était très triste. Et c'était un bon film. Qui met, du coup, comme vraiment Prometheus. L'alcoolie, si ça fout le seum à la fin. c'est pas vraiment un bon film, là, Prometheus. Bref. Le fait est que du coup, ça a vraiment l'alcoolisme dans ce qu'il a de plus tragique et de plus maladif. Ouais, mais moi je pense que J2 a touché un truc avec les inspecteurs alcooliques. Ah. Qui est... J'ai touché un truc. Ouais, t'as touché un truc. T'as touché... Comme mon grand-père, du coup. On en revient toujours à ça. Non, c'est vrai que les inspecteurs sont très souvent alcooliques. Par exemple, on prend dans la grosse culture populaire, The Wire. Ouais. Les inspecteurs dans The Wire. Bah, McNulty, donc le personnage principal, McNulty est alcoolique. Et alcoolique. Et c'est un peu une soupape, en fait, de leur travail. C'est ça. Il se rencontre avec c'est un cardinal je crois hein, très bien. Comment il s'appelle l'autre inspecteur? Mais j'ai voulu faire une sous bonne SS mais enfin bon. Lequel? Je me la garde. Ah, je suis pas obligé. en fait, ils se retrouvent le soir après leurs enquêtes et tout ça pour picoler et ils se son pote. Et d'ailleurs le dernier épisode de Non, on peut juste dire que ça se termine dans un bar. Ok, voilà, c'est tout, on dira que tu fermes ta gueule. Toi, tu fais gaffe. C'est juste, non, mais c'est assez emblématique finalement de ce que tu dis, parce que le fait que les mecs à la fin, enfin, les inspecteurs, ils finissent dans un bar. D'accord. Très bien, merci. Plus jamais tu parles d'un épisode d'une série. Mais on s'en branle, attends, j'ai pas fait de spoiler. J'espère bien. Bah, si, je sais qu'ils sont pas morts. Ouais, super, super. Bref. En fait, il y a un enterrement dans un bar. Voilà. En fait, c'est juste pour dire que, cette idée de l'inspecteur alcoolique, c'est l'idée d'une soupape de sécurité et c'est un peu triste en fait parce que tu te rends compte quand ils boivent que leur vie est triste. Bah c'est comme du coup Max Payne dans le jeu vidéo, voilà. Où c'est un flic alcoolique qui boit parce que sa femme est morte et qu'il est triste et tu le vois boire constamment et même dans Max Payne 3 quand il boit ou qu'il prend des painkillers ou des médicaments contre la douleur, ça influe sur le jeu où tu vois moins bien, tu comme dans BioShock. Ou quand tu consommes de l'alcool, t'as la vision trouble pendant genre 10 secondes. Ouais, ouais, comme dans j'ai un super ressort de jeu vidéo. C'est marrant parce que souvent il y a toujours une justification au fait qu'ils boivent. C'est-à-dire en l'occurrence en effet le fait que la femme est morte, etc. Dans BioShock non. C'est pas dans BioShock mais peut-être pas dans BioShock mais dans justement dans les le flic alcoolique. Oui, Max Payne c'est vrai, c'est ma chaîne noire. C'est cette idée que pourquoi les mecs boivent en fait c'est au moins pour supporter le fait qu'ils font un truc de... Oui, mais c'est pas des alcooliques comme nous, tu vois. Genre, nous, on a rien à cacher, à part le viol de ton grand-père quand t'étais petit. Je veux dire, c'est vrai qu'on boit... Je suis content, celle-là, elle est récurrente, j'aime bien. Non, mais tu vois, alors que souvent, les héros, les flics alcooliques, ils ont souvent un truc à cacher qui se découvre au fur et à mesure de la vie. Ou alors, ils ont une vie de merde et ils la supportent comme ça. Ouais, ouais. Mais... Et, juste... Mais sinon, ils font un métier difficile, quoi. Une citation de Bukowski, la dernière de la soirée. Pour parler de l'effet de l'alcool qui peut être traduite par Stavro Guin qui peut être un comme moyen d'échapper à sa vie de merde. Quand tu bois, le monde est toujours là dehors, mais pendant un temps il ne te prend pas à la gorge. Voilà, donc c'est l'alcoolisme, genre tu bois pour t'échapper, quoi. Voilà. Mais c'est vrai, et ce qu'on disait tout à l'heure sur les femmes qui boivent du vin dans les séries américaines. Alors tu parlais, je crois, de la série de Cougar Town. Cougar Town, la série avec comment elle s'appelle, la meuf de Friends, voilà. La plus emblématique de ça, c'est Sue Ellen dans Dallas. En... Sue Ellen. Parlons de Sue Ellen. Sue Ellen. Sue Ellen. Bah, la femme de JR. Qui est Sue Ellen? Mais tu ne connais pas Dallas. Oublier qu'elle a une vie de merde. La femme de... Non, mais c'est JR. La femme de JR dans Dallas. La femme de JR est Sue Ellen. Excusez-moi. Non, elle est Sue Ellen. Elle s'appelle Sue Ellen, c'est son nom. Ah, d'accord. Non, mais parce qu'il y avait une confusion. Et elle est alcoolique. Et c'est, franchement, je pense que c'est la, une des premières alcooliques de la Clairement, première. Clairement. C'est la, une des plus emblématiques. Et c'est celle qui donne l'idée de la femme alcoolique qui boit pour oublier sa vie de merde, qu'on retrouve dans Desperate Housewives ou dans Cougarton. Ouais. Donc, toujours ce petit côté bourgeois. Oui. Ouais, le petit côté bourgeois, mais tellement bourgeois que sa vie est triste. D'accord. Tu vois, bah, Desperate Housewives, je crois, le personnage de Brie, qui est la rousse dans Desperate Housewives. Putain, le mec est chaud sur Desperate Housewives. Non, mais je fais un podcast de pop culture, je m'informe. Putain. Écoute, Et puis Brie, Solva. Brie, tout ce qu'on lui met, c'est, voilà. Ah, pas, parle pour toi. On pourra faire un podcast, on pourrait faire un podcast sur Desperate Housewives. Non! Ce serait très très bien. Ce serait non, mais par contre, un podcast sur le Brie, ou Brie de Beau, Brie de Melun, ça, par contre, je veux bien. Sur le Brie, ça serait. Ou sur les Brie de glace. Être sur toutes les bris. Carglass répare, Carglass rempart. Il est temps que ce podcast arrête. Non mais voilà, c'est l'idée de la femme qui a un quotidien de merde et qui du coup picole. Et ce que disait J2 sur le fait que l'alcoolisme est lié toujours à une raison, je pense que c'est pas faux, sauf dans le contexte où elle est humoristique, pour le cas de Roger, bon, dans l'extraterrestre d'American Dad, ou dans Bender, bon certes il rouille s'il picole pas, mais... C'est pas une vraie raison, c'est une raison non, qui ça, justifie en fait. Ouais, ça fait partie des ressorts scénaristiques qui sont donnés. Oui et non, parce qu'il est quasiment jamais bourré dans Futurama. Non, mais c'est-à-dire que... il est jamais bourré. Non, c'est-à-dire que bourré. Boit... C'est... Bah écoute, non, mais je me suis tapé bourré... l'intégrale il y a deux mois. Bourré, c'est son état normal, c'est juste ça la différence. Voilà. Il est toujours bourré. Ouais, enfin c'est un peu dévoyé. Non mais mec, c'est un robot, tu peux pas savoir s'il est bourré ou pas. Ouais, et il y a le capitaine Haddock. Ah, parlons de... Ah, alors franchement, l'alcoolisme de Tintin, c'est un truc hyper intéressant. Ouais. Ouais. Je viens de lire l'album qui est le plus emblématique de Tintin sur l'alcoolisme dans Tintin, c'est Tintin chez les Picaros. Parce qu'en fait, le docteur Tournesol invente... Putain, la référence que je pensais jamais placer de ma vie. Le docteur Tournesol invente un sérum, en fait, qui fait que le capitaine Haddock ne supporte plus l'alcool. Et non, le supporte au contraire. Oui, non, mais... Ah oui, d'accord, il est plus bourré. Il le trouve dégueulasse, il ressent plus les effets de l'alcool, il ne peut plus en boire, en fait. Et tu vois que le personnage est complètement incapable de parler d'autre chose pendant tout le tome. C'est un personnage qui est incapable de fonctionner sans l'alcool, parce que, du coup, et c'est le drame de sa vie. Il a été introduit dans les albums de Tintin comme, justement, un capitaine de bateau qui noie son chagrin dans l'alcool, du fait qu'il soit... Crabe aux pinces d'or. Ouais, je crois que c'est celui-là. Putain, il est introduit comme ça, c'est-à-dire que il est utilisé comme capitaine de bateau parce que c'est un mec qui a été récupéré comme ça sur un port, qui a été utilisé par des brigands et que et ils le tiennent par les couilles parce qu'il est alcoolique justement. Ouais, et puis lui justement oublie un peu sa condition en disant bah voilà, je vais boire, ça va me faire oublier un peu ces trucs-là. Mais c'est vrai, alors Haddock boit beaucoup de rhum et surtout du whisky. Du whisky, ouais. Du lac Léman. Ouais. Qui a été un alcool, en fait, inventé par Hergé. Ouais. Et qui maintenant existe réellement. D'accord. Il y a une marque Léman, ouais. Le Lac Léman. Ouais. Voilà. Pardon, ok. Non, mais, enfin, c'est juste pour dire que c'est ça, ça fait partie de ces figures où justement le personnage a été introduit comme ça. Il était alcoolique très clairement parce que il voulait oublier sa condition. Ouais, ouais. Ça fait partie aussi de ces représentations de l'alcool où c'est un inhibiteur de pensée à proprement dit. Je suis un inhibiteur. Pardon. Oh là là. Ouais, c'est bien. Mais je sais pas si c'est à propos, mais Je crois qu'Arnaud n'avait pas fini sa phrase. Si, non mais je t'en prie. Non mais continuons à parler de Tintin parce que c'est intéressant. Je sais pas si tu veux continuer là-dessus. Non, c'était plus sur Tintin. Je voulais changer de sujet. Bah tu attends. Alors, donc le capitaine Haddock est ce qu'on peut appeler alcoolique. Oui. Mais Milou aussi. Quoi? Ah quoi, Milou? Oh là là, il picole. Mais Milou il picole. Milou, pas, il a vu plusieurs fois. Vous avez jamais lu Tintin? Milou il est juste con. Si Milou c'est le premier. Alors. Le capitaine Haddock prend un peu la place de Milou. Les chiens ne sont pas alcooliques. Mais Milou boit, et notamment dans celui sur l'Himalaya. Ah oui. Tintin au Tibet, ouais. Ou et dans l'île Noire aussi. Mais dans picole beaucoup, du Loch Lomond, justement. Dans énormément d'albums, Milou picole. Oui, Dans Tintin au Tibet, il suit le capitaine Haddock qui a son sac, qui fuit du whisky, Et Milou se bourre la gueule. Eh, ce qui est marrant, c'est que souvent Tintin, c'est hyper malsain ce que vous dites. C'est un peu la figure morale, tu sais, qui interdit au capitaine de boire et tout. Tintin, et du coup, Tintin, pas toujours. Non mais, tu sais, souvent il est un peu là, c'est pour dire un peu genre ouais non, capitaine, c'est un peu abusé ce que tu fais. Et le capitaine, ce qu'il fait souvent, c'est qu'il apporte malgré l'expédition, enfin tu vois genre un peu au-dessus et vu de tout le monde, dans son sac. Du whisky. Ouais. Et il y a souvent cette idée. Non, mais dans Tintin, il picole tout le temps. Et il s'avère que le mec apporte. Ouais. Quand ils vont, c'est dans Coq en Stock. Obélix avec idée fixe, quoi. Quand, dans Coq en Stock. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Ils arrivent en. Obélix est un alcoolique, à mon avis, mais de la potion magique. Mais c'est. Ouais, c'est pas mal, on découvre des choses. Donc Tintin. Ouais. Donc Milou picole et il picole tout le temps dans Tintin. Quand ils arrivent dans Coq en Stock au Maghreb. Ils prennent pas de la coke? Non, il prend pas de la coke. Non, la coke, c'est autre chose. Non, coke en stock. Ouais. Toi, t'en as des coques en stock, hein. Voilà. Il picole encore. Alors, après, ça a posé des problèmes de droit, quand ça a été interdit, dans les pays d'influence. Notamment. Dans les pays d'influence musulmane, où on a interdit, en fait, certains albums de Tintin où il y avait trop d'alcool. Mais. Ah ouais. Il y a un mec qui s'appelle Bertrand Boulin, qui a écrit un livre qui s'appelle Tintin et l'alcool. Ah ouais. Ouais. Ah. Alors ça a été interdit assez rapidement parce que 50% de l'ouvrage c'est des reproductions des planches des albums de Tintin. Forcément. Et donc du coup ça a été interdit, surtout que l'éditeur de Tintin n'a jamais été mentionné dans les copyrights, donc du coup forcément ça a été interdit. C'est pas très bon. Déjà c'est bourré de fautes d'orthographe, tu vois que ça a été fait à l'arrache. Mais le mec c'est un ancien alcoolique qui dit que Tintin en fait aborde tous les thèmes de l'alcoolisme. Ah ouais. Et il lit Hergé à travers le prisme de l'alcoolisme. C'est super intéressant. C'est ce que je voulais te dire, parce que quand tu dis que Milou est alcoolique, je suis pas d'accord. C'est plus un ressort comique sur ces choses-là. Après, je suis d'accord avec le fait que Tintin aborde tous les aspects de l'alcoolisme et de l'alcool en règle générale. C'est-à-dire que tu prends un des meilleurs albums de Tintin, très objectivement, qui est Le Trésor de Racamre. Yes, le rouge. Ça vient le plot de départ vient du fait que le capitaine Haddock est complètement défoncé à l'alcool et se remémore plus ou moins et se refait les actions qu'a fait son arrière. Ah oui oui, il y a cette fameuse scène où il est bourré et qui reprend. Bah c'est là où on apprend un peu les origines du capitaine Haddock et tout ça. Non, parce que les origines, c'est Capitaine Haddock Origins. Non, mais justement, c'est intéressant de parce que Miller, parce qu'il y a un secret du Capitaine Haddock qui est révélé à cause de l'alcool en partie. Oui, voilà. C'est ça mon secret. Et c'est là qu'on retrouve le concept de fulgurance. C'est ça. Introduit par Monsieur. Sauf qu'il tombe dans l'inconscience et la fin du secret est dans une phase sobre. Mais il y a un truc intéressant. Par exemple, le capitaine Haddock oublie aussi ses problèmes plus maritaux, on va dire, quand il est avec la Castafiore. Ouais. Quand il peut pas supporter sa présence parce que objectivement, il en est extrêmement amoureux et que il essaie de se détacher de ce sentiment. Et qu'elle lui casse les couilles surtout. Il boit. Ouais ouais. Et il y a un album où il l'embrasse à cause de la colère. Ouais, non, mais enfin, c'est vrai que Tintin et la vision qu'a Hergé de l'alcool est globale sur tout ce qu'on a fait sur le podcast, c'est que à la fois il en fait un ressort comique avec Milou ou même les Dupont parfois. Où, ouais. Et d'ailleurs, il y a un album où Tintin. Il y a un album où les Dupont sont bourrés. Non, plus c'est un ressort. En fait, il y a un album, je sais plus dans lequel, Tintin se retrouve dans un bar avec les Dupont qui commandent des bières. Ils sont déjà en train de picoler. Ils commandent des bières et ils commandent une bière pour Tintin. Et Tintin ne boit pas sa bière et fait une blague en tapant pour dans. Pour un belge, c'est quand même triste. C'est vrai. Et en tapant dans le dos des Dupont. Et du coup, ils jettent leur bière par terre. Ah et ouais. Tintin leur dit, ouais, il faut partir. Donc c'est là qu'on voit Tintin qui interdit un peu l'usage de l'alcoolisme. Enculé. Putain de djihadiste, en fait. la révélation. Et tu pourrais faire comme Bertrand Boulier, mais faire un Tintin et le djihadisme. Tintin, c'est un nazi. Je sais pas si on a fini avec Tintin ou pas, mais on a pas mal de références aussi dans le futur. Moi, je pensais à, je sais pas si c'est le moment d'en parler, mais vas-y. De Jackie Chan. Drunken Master. Putain, évidemment. Master, on en a pas parlé, mais c'est vrai que Drunken Master, c'est vraiment un monument sur l'alcool et la. Mais est-ce que c'est pas vraiment de l'alcoolisme parce qu'ils boivent pour leur style de combat. C'est plus proche du génie. Mais c'est un vrai style de combat, en soi. Mais c'est un style de combat qui. C'est la boxe, je sais plus comment ça s'appelle. La technique de l'homme vivant. La technique de l'homme vivant. C'est dans Naruto aussi, pour citer une référence. C'est l'idée que le mec, quand il boit. Je fais une petite aparté. Qu'est-ce qu'on boit, Arnaud, en ce moment? Toujours pareil, hein, là on se rend plus bien compte, hein, on se, voilà. Voilà. Bon, continue. Ça transite. Je voulais juste savoir ce qu'on buvait. La cuvée des du bois charmeur. Voilà. On peut nous mettre en fût à la fin du podcast. Ça fait plaisir. Et on arrive bientôt au beau nichon. Ah, le beau nichon. Ah, mais j'en peux plus, là. Le beau nichon. Ça fait une heure que je dis ça. Écoute. On va aller finir, ces bouteilles. Il y a encore deux bouteilles, il va falloir que tu finisses, hein. C'est bon. On finira hors micro, mais on finira quand même. Et donc bon, voilà, Drunken Master, mais je sais pas si on a plus à dire que ça, mais c'était juste sur l'idée. C'est plus le génie à l'alcool, ouais, je pense. C'est peut-être plus le proche du génie à l'alcool. Mais c'était une bonne référence quand même, ceci. C'est intéressant. Dans l'alcoolisme, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais il y a des grandes figures alcooliques, hein, en dehors de Sue Ellen et de Tintin. Enfin, de. Et de Max Payne et des mecs comme ça. Bah écoute, il y a, si on revient sur la culture pop et les comics notamment, il y a Tony Stark. Ouais, Iron Man. Ouais. Qui a été pendant de longues années alcoolique. Ouais. Notamment la meilleure histoire qui ait eu sur Iron Man, c'est The Devil in the Bottle. C'est marrant parce que Donny Junior a été alcoolique aussi. Ouais, voilà. Ouais. Mais il a joué aussi en partie là-dessus. Whedon, notamment dans Avengers, a essayé de jouer un tout petit peu sur le côté alcoolique d'Iron Man. Tu prends la scène où il confronte pour la dernière fois Loki, où d'abord il se prend un verre. Et en fait, Whedon a essayé de mettre un peu ce truc-là, et puis Disney a mis légèrement le holà dessus, mais pour revenir purement aux comics, ouais, aussi Constantine. Constantine, ouais, fait partie de ces figures un petit peu. Enfin, après, c'est Constantine et boit de l'alcool pour s'occuper, on va dire. Aussi pour oublier le drame qu'il a eu quand il a ouais. emmené petite fille en enfer, ce qui est mais, pas rigolo. Mais Iron Man, Tony Stark, lui boit. Et il boit quoi, Tony Stark? Il boit de tout, en fait. Je crois qu'il boit du whisky. Il a une gueule à bord du whisky, Tony Stark. Mais enfin, voilà, une des meilleures histoires d'Iron Man a été faite autour de l'alcool, au fait de dire que Iron Man est alcoolique et ça reste quand même un humain lambda en armure et que une fois humain lambda, c'est-à-dire il danse en armure. Humain lambda. Et donc une fois qu'il apporte ce relief justement alcoolique, il ne vit plus de la même manière et ça fait partie des meilleures histoires qu'il y a eu dans Iron Man. Il y en a pas tant que ça en plus sur ce personnage-là. Est-ce qu'il y a des je t'ai tout coupé, mais est-ce qu'il y a des BD ou des mangas qui parlent de l'alcoolisme? Ah, c'est qu'on a sur l'alcoolisme. Enfin, ou de l'alcool, non, il y a on va dire qu'il y a GTO sur les mangas, il y a GTO. Où ça parle beaucoup d'alcool, mais où ça parle des dérives de l'alcool à proprement dit, et c'est pas vraiment de l'alcoolisme, c'est juste... C'est un peu Pascal le grand frère et l'alcool. Ouais, c'est juste que l'alcool à excès mène à des situations qui ne devraient pas exister, et ouais. qui moralement ne devraient pas exister. On a vu un double visage de l'alcool populaire et guindé, et en même temps il y a un double visage aussi de l'alcool. Il y a Stavro, qui est le génie, et l'alcoolisme, et il y a des alcooliques géniaux et des alcooliques qui noient leur tristesse et qui parfois s'en sortent, qui s'en sortent pas. Donc c'est un peu à chaque fois, en fait, on aurait peut-être pu faire ça comme ça aussi. Il y a vraiment deux facettes. On va tout enregistrer, en fait. Allez, il reste que deux bouteilles, les gars. On arrive à la fin. Est-ce que vous avez encore des choses à dire sur l'alcoolisme dans la pop culture ou pas du tout? Non. Alors, juste vite fait, parce que je vous les ai ramenés ici, du coup, pour citer deux, trois trucs, parce qu'on voulait pas faire trop de name dropping, pour la culture populaire et l'alcool, moi j'ai ramené deux trucs, c'est Les Gouttes de Dieu. Un manga. Qui est un manga qui est fait par Tadashi Agi et Shu. Par Nagi. Oui, Agi. Tadashi Nagi. Et Shu Ikamoto. C'est un manga qui parle de vin et de la dégustation du vin. Alors c'est devenu une référence mondiale parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. C'est tellement précis dans la manière dont ils font les choses. Je vous passe comme ça vous pouvez regarder rapidement. C'est-à-dire que la manière dont ils dessinent et dont ils décrivent les vins. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de vignerons français notamment. Qui veulent à tout prix faire partie de ce manga parce que ça fait partie des références culturelles. Ah, bah, c'est un shonen, parce qu'ils citent exactement et d'une manière extrêmement précise les vins, et après ils y rajoutent ce côté un petit peu shonen en disant. Est-ce que tu le conseilles pour quelqu'un qui veut découvrir le vin? Alors je conseille les 10 premiers tomes, on va dire. Pour ce qui est déjà pas mal. Qui est enfin je crois que maintenant il y en a plus de 30 ou quelque chose comme ça. Ah oui. Ça, après ça dérive sur des choses un peu, il y a eu des mangas comme ça sur la pâtisserie, notamment Akitate no Japan. Il y a même des schémas explicatifs, voilà, des classements du vin. Les gouttes de Dieu, c'est extrêmement précis. quand vous avez une étiquette qui est dessinée dans le manga, vous êtes sûr que c'est exactement la même que vous avez sur la bouteille. D'accord. Là-dessus, c'est très très fort. Après, ça dérive un peu sur la manière dont on déguste le vin et on y voit Dieu et des choses comme ça. Ça, c'est pas super intéressant. Après, moi, une œuvre vraiment sur le vin que je vous conseille. Alors ça a l'air magnifique. Ça s'appelle Les Ignorants d'Étienne Davodo. Ah, oui. C'est une histoire. La chute de vélo. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'Étienne Davodo qui va voir un jour une de ses connaissances, en fait, qui est vigneron, et il dit, bah voilà, moi je te propose un truc. Moi je t'apprends la bande dessinée, je t'apprends pas à dessiner, je t'apprends ce qu'est la bande dessinée, comment on fait une bande dessinée, comment on scénarise une bande dessinée, et toi tu m'apprends le vin et tu m'apprends la vigne. Et dans Les Ignorants, c'est ce récit exact de cette rencontre. Okay. C'est extrêmement passionnant parce que c'est justement le vin, pas dans le sens guindé des choses, c'est le vin dans le sens terroir, c'est vraiment une culture de la terre et de l'autre côté une culture de la terre de la bande dessinée. Donc c'est édité chez qui? C'est édité chez Futuropolis, ouais. Qui est une super belle maison d'édition. Yes. Enfin, quand vous voyez une édition Futuropolis, vous pouvez vous jeter dessus, c'est toujours très très bon. Donc, Les Gouttes de Dieu et Les Ignorants pour s'aventurer dans le monde du vin. Entre autres. Après, il y a Fifi, Mimi et Glouglou. qui a un nom super drôle. En fait, c'est trois amis qui dégustent du vin. Ah non, t'as plus qu'une minute de temps de parole. Ouais. Moi, je vous, enfin, applique les règles de débat présidentiel. Ça fait partie de ces références culturelles de la bande dessinée sur le vin. Je vous le conseille pas particulièrement parce que. Ok, c'est de la merde. Ouais. Non, c'est pas de la merde. C'est que si on n'a pas un tantinet de vocabulaire dans le vin, c'est pas intéressant. Ouais, et en plus de ça, quand on a justement ce vocabulaire là. On se rend compte que le mec est juste un poivreau fini et que il voit le vin juste comme quelque chose pour se rendre ivre. Et moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais vraiment juste Les Ignorants, voilà, d'Étienne Davodo. Ok, c'est bah, merci Arnaud pour cet merci éclairage. Pour désolé d'avoir été si long. Non, il y a aucun mal. Il y a pas de souci. Mais c'est juste qu'on arrive à un temps d'émission qui est relativement indécent. Qui est record pour nous. Et donc, on va passer très rapidement à la rubrique phare de l'émission, la vie patrie. Faites par J2. Je croyais que c'était la règle 34. Alors, mon petit Patrick, ce soir tu reçois Claudine, Robert et Fanfan qui viennent tous trois goûter à la chaleureuse amitié de vos retrouvailles dominicales autour d'une bonne Boostify. Ah, vous aimez ça avec la Claudine, hein, un bon gueuleton à l'ancienne, pleine de nos fiertés nationales, clacos et charcutaille, hein, blanc sec et graisse de foie de canard du sud-ouest, profiterole au chocolat, Minster, Beaujolais, saucisse de choucroute à l'huile de pied de cochon d'Alsace, rocamadour aux champignons vénériens de bœuf charolais, beurre de cervelle de tête de veau de coq en pâte, hein. J'avais faim. Ah, vous savez, vous défoncez la panse pendant vos idylliques gargantuesques de franche camaraderie, pendant lesquelles ça sent pas forcément la Provence, mais où on sait encore que la salade c'est juste avant le fromage, et pour rincer la bouche encore. Quoique Robert n'avalerait pas cette saloperie écolo sans qu'elle soit clairsemée d'un bout de lard à l'huile et d'un peu de fromage de chèvre coulant. C'est vous retrouvez autour d'une bonne tablée qui flaire bon la chair morte et la pourriture de lait. La vinasse et la poire, c'est l'occasion pour vous surtout d'évoquer le bon vieux temps pour parler des années 80, du Club Dorothée, de Émile et Images, de Corona, de la bonne époque de la Neo Geo, quand les consoles avaient encore des bites. Et puis, les souvenirs romantiques du lycée, les premières incartades, le manège des brêles et des scooters en peau de Poligny. Oh, tu nous fatigues avec tes brêles. Qui faisait tournoyer la poussière du terrain vague de l'ancien stade de foot de Chevillon-les-Prés, et qui pourtant retomberait bien un jour, comme retombent désormais ses souvenirs sur la pierraille de votre mémoire. Oh. D'ailleurs, la Claudine évoque maintenant l'œil humecté du souvenir de ce jeune fils de forain qui maniait si bien l'autotamponneuse et qui, dans son Lévi-Strauss trop court, et sur un son de Rodens transcendant, sut elle aussi l'électrifier. Même qu'on vous fera pas passer des vessies pour des lanternes, ni de la piquette de table pour un chablis grand cru, hein. Mais ce soir, c'est spécial. Le taux de cholestérol de Robert a été revu à la hausse, et Patrick, tu dois faire un choix capital pour modérer un peu vos ardeurs ravelésiennes ce soir. Tu sais, la vie est faite de ce genre de choix métaphysiques, hein. Descartes ou Spinoza, pirate ou ninja, Et là encore, tu dois choisir entre une orgie de fromage ou une orgie de viande. Alors Patrick, raclette ou pirade? Tu dois faire un choix. Mais heureusement pour toi, le net regorge de bonnes informations et tu n'auras pas besoin pour ça d'aller jusqu'à Babel Web. Ok. Babel Web, oh! Alors c'est vrai qu'en première intention, tu as d'abord foncé sur le merveilleux site www.wooniverse.fr afin de te renseigner sur la meilleure façon dont le fondateur et rédacteur en chef pense qu'il faille faire frire les lèvres inférieures de la belle Jenna. Ah, on le sait, son dada, c'est quand elles sont assez saignantes. Alexis, bisous. On l'a d'ailleurs récemment vu parcourir tout Paris avec sa fourchette barbecue et son pinceau à sauce, à la recherche de l'innocente créature suite à la photo Instagram d'une tasse de chocolat qui avait liqué. Non, mais de toute manière, tu auras tout fait tomber sur de fabuleux sites, hein, qui seront aiguillés. Par exemple, recettespourdiabétiques.com. Dossier spécial intitulé raclette, virgule pirade. 3 points de suspension, ou les deux. Allez, cochon. Bon, parmi leurs conseils, on trouve notamment, je cite, éviter la charcuterie trop grasse, limiter la consommation de fromage, et préférer le fromage à raclette allégé. Pas de laitage en fin de repas. Tu te sens cul. Sage conseil pour des diabétiques, mais un petit peu restrictif, hein, tu me l'accorderas. Heureusement, comme, ouvrez les guillemets, à table, il y a parfois des convives qui n'aiment pas le fromage, on complète avec une pirade. Et ouais, c'est malin, un diabétique, hein. Vous pouvez utiliser du sarrasin ou de la concoyote à la place de votre fromage à raclette. Fermez les guillemets. Au niveau de l'appareil, tu as de la chance, tu trouveras du merveilleux combiné qui te permettront de choisir au dernier moment entre l'un, l'autre ou les deux, comme le préconisent les sages diabétiques. Appareil à raclette appareil à raclette.classement.com te propose. Le Russell Hobbs 1184 pour 50€, ce qui est le top dans la sélection en combiné. Tu as également le Lagrange 9804 pour 53€ et le modèle 9631 pour 13€ de plus. Bonne cam. N'oublie pas aussi, mon cher Patrick, que selon ton choix, il faudra choisir le vin approprié. Hein. En effet, ne va pas te salir la bouche avec du blanc sur de la viande rouge ou avec du rouge sur du fromage blanc. Hein. Le site www.planetvin.com te conseille de prendre plutôt un pinot noir d'Alsace ou un bandol pour ta pirade. Évidemment. Si tu optes pour la raclette, les classiques blancs de Savoie comme la Promont, tu ne me diras pas le contraire, les vins d'Alsace ou de Jura seront de bons compagnons de bouche. Si tu fais les deux... Ma bite aussi est bon compagnon de bouche. Prends du Beaujolais. Si tu fais les deux, prends du Beaujolais nouveau, ça fonctionne. Et pour ambiancer tout ça, le site www.thèmedesoirée.com te propose un dossier complet dans lequel tu apprendras par exemple qu'il ne faut pas oublier les rallonges pour les appareils. Hein. Évidemment, ça peut te ruiner la soirée. Qu'il faut aussi prévoir une salade pour rafraîchir les gosiers. Non, ça c'est des enculés. Aussi, hein, c'est important. Et tu apprendras aussi que la raclette est le repas idéal pour initier ensuite un jeu de société ou d'ambiance amusant. Comme un Time's Up ou un loup-garou, et tu pourras te coller des post-it sur la tête avec des noms ou un vrai jeu ou de Sarkozy sur le front, hein, ce qui manquera pas de vous faire rire Claudine, Robert, Fanfan et toi lorsque vous l'évoquerez pendant l'apéro de votre prochain gueuleton. C'est beau. Bravo. Très très bon. Pendant qu'on est en train de déguster un beau nichon 2012 et que Jordan s'étouffe avec un putain de bout de pain comme un putain de Stavrogin s'étouffe. Oui. Non, le bonichon est très bon. Que peux-tu nous dire sur le bonichon Rien, il est bon. D'accord. J'ai pas goûté encore. D'accord. Le bonichon. C'est beau, Star Wars. Star Wars est en train de bouffer comme un gros vent. Une très belle vie, Patrick, n'est-ce pas? Très bien. Oui. Alors, Star Wars, finis ta bouche parce que c'est indécent. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Oh putain. Enfin, ouais. Après un long parcours, plein de stack. Alors c'est quoi on le fait d'apprendre, on sait pas ce que c'est. Oh, vas-y. Est-ce que tu peux parler autrement? Ah, si, moi j'ai une idée. Patrick s'emmerde pour les vacances de Noël et voudrait faire un camp de vacances et il hésite entre le djihad à ISIS et le CPA. Voilà. Ça, c'est bon. Eh bien, ça fera, c'est du Patrick, du coup, la prochaine fois. Avec grand plaisir, Patrick. C'est ça risque d'être, évidemment, politiquement correct, à l'impression de tout le monde. Mais comme à mon habitude, les gens savent à quoi s'attendre. Oui. Oui. La fin de cette émission est d'une indécence absolue. Oui, bon, on s'en bat les couilles. Alors. En même temps, le début et le milieu étaient pas terribles. Donc voilà, on a fait, j'espère que maintenant vous connaissez beaucoup plus en alcool, qu'on vous a vraiment appris de beaucoup de choses. Je crois que le plus intéressant dans l'émission c'était Arnaud qui a dit, vous a beaucoup aidé, beaucoup éclairé, donc merci. Non, mais le suçage, c'est incroyable. Non, mais il veut retourner chez Wooniverse, très bien. En plus, c'est pas vrai parce que j'étais le plus chiant et j'ai celui qui parlait le plus, et désolé encore. Bah, d'habitude c'est J2, donc c'est pas grave. Ah, et j'ai fermé ma gueule comme vous pouvez le remarquer. C'est vrai. Oh. Mais non, si, quand t'étais chiant, t'as dit d'arrêter, donc c'est-à-dire que t'as pas été chiant souvent, parce que t'as pas dit souvent. Voilà. Donc, c'était une... Putain, seulement de bourré, tu serais jamais là si on n'était pas bourré. Seulement 6 fois, donc ça va. On n'est pas bourré, on est juste à la 6ème bouteille, sachant qu'on est 5 autour de la table. Mais moi, j'ai pas fini de boire, je peux le dire, on va couper le micro, mais on va pas couper notre envie d'avoir envie. Et ça, c'est l'important. Alors, on va s'arrêter maintenant. La prochaine fois... On a peut-être une émission exceptionnelle, mais elle n'est pas encore sûre, donc on va pas en parler. Ah bah super. Donc, ça, c'est la meilleure annonce d'émission qu'on ait jamais faite. Merci Stavrogin. On, bah, je le dis ou je le dis pas? Bah, essaie. Ah, dis-le et au pire, on passera pour des cons pour la 20ème fois. C'est pas grave. Une émission on sur les cheat codes! On essaye. J'arrête. On essaye d'avoir une émission sur Asimov avec Lord Ton Père de l'ADC. Voilà. Il va falloir relire tous ces questions. On essaye, voilà. Et si on n'a pas ça, on fera tout sur les jeux vidéo, je pense. Non, ou sinon sur la trilogie d'Incendie. Allez, ah, salut. De toute façon, on est pas d'accord, mais votez pour qu'on fasse un truc sur la trilogie du samedi sur Twitter. Dites-nous, oui, la trilogie du samedi, c'est génial et tout, s'il vous plaît. Le caméléon, le clown, ah ouais, Buffy. Oh putain, la non, de verre. Jamais quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as encore de la cendre. Cool. T'as encore de la cendre. Non mais les verres en plastique, encore ça passe, mais les verres en carton. Mon chivas, il est sur la table de cet enculé. Lèche. On t'en voudra pas. Et bref, alors on s'est dit au revoir, on vous remercie d'avoir écouté jusqu'à là. Y'a pas de chance. Salut. Mais et non, on est pas se bégueule. Quitte, évidemment. Vous me prenez pour qui? Vous nous prenez pour qui? C'est la fucking kermesse, c'est la fête jusqu'au bout de la nuit. Et on n'est pas bégueule, Steven l'a dit. C'est une chanson de fin, une chanson comment? Une chanson à boire, évidemment! Ouais, donc on vous dit à la prochaine fois pour la FK numéro 8, on vous fait des bisous, salut! Salut! Parfois la vie sûr que c'est pas facile, surtout depuis qu'il y a plus le big deal. Mais à la fucking kermesse on a la solution, bien planquée tout au fond de nos litrons. La vie tu sais ça sert à rien de déprimer, c'est pas tes larmes qui vont revenir avec elle. Prends pas ces terres nonchalants, la part chez nous, on a de bons remontants. C'est la fucking kermesse, des litres de yes, jusqu'à atteindre l'ivresse. C'est la table ronde des chevaliers de la coupe, copine prépare ta coupe. Allez ouais camarade, goûte-moi ce porc-voyou. Il est fameux, incroyable, légendaire comme ho ho. Allez bois camarade, jusqu'à finir en vrac, déchiré, chiffonné, pire qu'un anorak. Chez nous tu trouveras bol pinté godé, chez nous tu verras, on sait s'amuser. Chez nous ça nous dérange pas d'être sous sang tant qu'on est sous. À la fucking kermesse on boit, on chamboule tout. La bite j'en ai marre. C'est la fucking kermesse au délitre de liège jusqu'à ta vivresse. C'est la table ronde des chevaliers de la cour, copine prépare ta coup. One more time. C'est la fucking kermesse. Mais ça vaut pas le jus de saucisson.